Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule avec aujourd'hui le premier jeudi du mois. Et puisque nous sommes avec le premier jeudi du mois, et bien nous sommes aussi avec un one shot qui nous est présenté par Jeff qui nous vient de Brest. Jeff, est-ce que ça va? Est-ce que tu as la pêche? Grave, j'ai super la pêche. T'as super la pêche, t'as eu super faim parce que t'as été prisonnier des embouteillages, des problèmes de train. Il y a eu un éboulement à Morlaix qui t'a empêché et tu es venu quand même. Tu as fait l'effort de venir. Tu as affronté vents et marées pour venir jusqu'à Saint-Malo nous présenter. Tenga! Yeah, Tenga! Effectivement, j'ai eu un petit peu les Camis de la terre et les Camis de l'air qui sont rentrés en conflit avec moi. Ouais. J'ai pris de sacrées grosses claques, mais je suis enfin présent Et pour tu vous vas présenter pouvoir ce Tenga. nous présenter Tenga. Nous sommes également avec Flavie. Flavie, ça va la pêche? Oui, j'aime bien passer juste après lui parce qu'il a une très très grosse voix. Alors du coup, je prends une toute petite voix pour faire un gros contraste. Aloïs, peux-tu prendre une toute petite voix pour faire un gros contraste avec Jeff? Je sais pas. Voilà, très bien, très bien. Nous sommes également avec Aloïs et nous sommes également avec Thomas. Thomas, ça va? Ouais, ça va. Tu as la pêche, c'est bien. Alors, Tenga, c'est parti. Tu as 10 minutes, comme d'habitude, hein, pour nous présenter le jeu. Alors, ça va être, je sais pas. C'est bien, c'est pas stressant quand tu Ouais. dis ça. Non, ça fait à peine peur, hein, mais bon, bref. Donc, alors, Tenga, qu'est-ce que c'est? Voilà, bonne question. Tenga n'est pas un jouet sexuel. Petite blague à la con, Alors pourquoi? pourquoi Tout simplement, quand on fait des recherches, qu'on tape sur Google Tenga, la première chose qu'on tombe, c'est sur un sextoys. Bref, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup rigoler. Toujours est-il, donc Tenga, donc jeu sur le Japon médiéval. Yes. À l'époque, on va dire juste avant la bataille de Sekigahara, parlons historique, Qui soyons s'est égaré? grossiers. Qui s'était garé. Oh, une bonne blague! Oh, oh, là j'ai entendu! J'ai entendu une bonne blague. Flavie, disons. Tu me déçois. Je sais, pardon, je vais retrouver mon niveau médiocre dans pas longtemps. D'accord. Et il va falloir que je vous pose des questions sur votre culture japonaise, c'est ça? Moi, je n'en ai aucune. Je pars de zéro. Zéro pointé pour Romaric. Flavie, okay. Moi, j'ai regardé des mangas et j'ai fait du japonais à une époque et pendant les cours de civilisation du japonais, on a étudié les vases, donc ça m'a beaucoup servi, hein, autant dire que j'ai tout oublié. Et Ok. sinon, j'ai regardé Samouraï Champloo, basta. Waouh, Samouraï Champloo, référence culture japonaise avec le baseball, souvenons-nous. Donc moi, je suis censé être en LEA anglais-japonais. Donc j'ai les cours de civi aussi, que j'écoute plus ou moins distraitement. J'ai fait le Aloïs. 5R et puis j'ai fait pas mal de recherches aussi de mon côté. Yes. Et toi, Tom? Moi, niveau historique, ça reste manga, Japanimation, donc ça va pas très très loin. Mais je suis la seule à connaître des choses sur les vases japonais. Hein. Ouais, Détrompe-toi. Bah, disons que pour revenir sur Tenga, effectivement, il y a une base historique qui est assez forte, dirons-nous. Ouais. C'est du costaud sans forcément s'adresser qu'à des puristes. De la civilisation japonaise. Entre guillemets, l'époque précise, donc c'est entre 1582 et 1600, qui correspond donc à la mort de Oda Nobunaga, le premier grand unificateur du Japon. Juste pour le petit délire, c'est quand même un des personnages qu'on retrouve souvent comme grand méchant dans différents médias, dans des mangas, dans des BD, dans des jeux vidéo. Qui est un grand méchant, généralement, la plupart du temps. Et donc jusqu'à 1600, qui représente là donc cette fameuse bataille de Sekigahara, qui entre guillemets c'est l'avènement du shogunat des Tokugawa, le fameux Tokugawa Ieyasu, le grand shogun. Et après cette époque-là, Pourquoi lorsqu'il parle, Flavie, je ne comprends rien? écoute, fais comme moi, écoute les verbes et à un moment ou un autre, on va réussir à comprendre quelque chose. J'ai compris Tukutekituku. Moi j'ai compris chute de Niagara. Chute du Niagara. On va jouer au Canada. D'accord. Pas vraiment, mais bon, admettons. Non, mais toujours est-il, effectivement, il y a une partie historique qui est assez forte dans le jeu, mais le but n'étant pas de faire vraiment de l'historique Ouais. historique. C'est pas de faire un cours d'histoire. Voilà. D'accord. C'est quand même vachement accessible. Ce qui est vachement intéressant, enfin, que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est qu'effectivement, on sort un petit peu du carcan des samouraïs, Bushido. Je dirais le samouraï tel qu'on le voit, nous autres Européens. Parce que cette époque-là, justement, c'est ce qui va donner la naissance véritablement des samouraïs. Là, on est encore en pleine période de guerre civile. Donc cette époque-là, ça fait quand même 150 ans que le Japon il est sous le coup de la guerre civile. Ouais. Quand ils font les choses, ils les font bien. Ah ouais, non, généralement, ils font pas les choses à moitié, ça c'est clair. Le truc quand même, c'est que faut oublier un peu le côté honorable par moment. C'est plus tard, justement, avec l'événement du fameux nom barbare que je viens de dire tout à l'heure, Tokugawa Ieyasu. Tokutiki, d'accord. Voilà. Amen, enfin bref. Toujours Amen. Toujours est-il, donc c'est après qu'on va avoir vraiment le côté philosophie, le Bushido qui va apparaître, donc la voix des guerriers, ce genre de choses. Yes. Ce qui est plus vu dans L5R en général. D'accord. Voilà, voilà. Concernant aussi l'époque du jeu, c'est assez important. Donc je disais 150 ans de guerre civile. On a aussi, ça fait deux générations que les Européens sont arrivés, yes. Donc notamment les Jésuites, les Portugais et autres. J'ai vu une série. Attendez. Shogun. Oui, voilà. Tout à c'est fait. Ça. Et est-ce que ça me fait de moi une. Est-ce que j'ai une culture japonaise si j'ai vu Shogun? On peut dire. Enfin, moi, je considère que oui. Parce que si tu veux ce que j'ai. Bien, cette série, ce c'est génial. Ce que je viens de t'expliquer rapidement. Donc, James Clavell, le mec qui a fait l'auteur du livre Shogun. Et de la mini-série Shogun, ouais. Avec Richard Chamberlain, oui. Les oiseaux se cachent pour mourir, non, le cardinal Bricassard. Non mais blague à part, Jeff, c'est une série mais géniale. Non, franchement très très c'est bien. C'est génial pour l'époque. Alan en plus, Quaterman. C'est un petit peu sexiste, un petit peu genre je protège la fille et tout. C'est un petit peu sexiste, mais putain ce que c'est bien quoi. Au niveau de la chute, la fin, rien que pour la fin, cette série vaut trop le coup. C'est surtout génial. En plus ce qui est génial, c'est que ce que je viens de vous expliquer, donc avec Oda Nobunaga, Tokugawa Ieyasu, vas-y Fly, c'est comment tu disais? Tokutiki. Coucou. Toujours Tiki. Est-il finalement donc Clavel a transposé l'histoire japonaise. C'est-à-dire qu'il s'est approprié les personnages, le fameux Tokugawa Ieyasu dans la série, c'est Toranaga. Donc vous allez voir exactement l'histoire japonaise, mais les noms sont déformés tout simplement. C'est génial. Mais le schéma est là. Yes. Donc je pense que pour se rencarder un petit peu de façon simpliste, Shogun est une source d'inspiration pour Tengen. Une bonne source, ouais. Ok. Alors nous on joue quoi? Ça m'éclate là. Alors c'est ça qui est vraiment super sympa dans Tengen, c'est que je m'attendais à voir un jeu de samouraï. Tout simplement. Ouais. Oui, je dois avouer, je dois me confesser, je suis un maître de L5R depuis 1998, donc sorti de L5R en français. Effectivement, je suis un vieux con d'L5R. Fais son vieux con, là. Ouais, j'ai le droit, pour une fois, je peux faire le vieux con. Bref, toujours est-il, ouais, je m'attendais effectivement à jouer du samouraï, ce qu'on appelle du bushi, du guerrier, du shugenja, c'est du jeteur de sort, quoi. Et là, non, effectivement, il y a un parti pris qui est différent. Je suis d'L5A là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut limite tout jouer. Il y a plusieurs archétypes de campagne possibles. Aussi bien jouer, je vais dire une bêtise, mais c'est limite cité dans le livre, jouer les femmes d'un château qui s'occupent pendant que les maris sont partis à la guerre. C'est possible. Jouer du paysan qui est en train d'essayer de survivre. Parce que t'as deux clans de samouraïs qui sont en train de se taper sur les terres des pauvres paysans. Je croyais que t'allais dire dans les terres du milieu. non, Thomas, pas. Tu voulais poser une question? Je veux dire, j'ai souvent peur quand on me dit qu'un jeu peut tout faire. C'est-à-dire que si je joue des femmes de samouraïs qui attendent que leur chéri revienne, j'ai des compétences, je sais pas, moi, peut-être en jardinage. J'essaie de voir ce qu'on demande à une femme à l'époque. Je veux dire, est-ce que c'est ces compétences-là? Donc toi tu veux taper directement dans le systémique. Je vais pas taper dans le systémique, mais j'aime pas qu'on me dise qu'un jeu peut tout faire. Généralement c'est non attention, je n'ai pas dit que le jeu peut tout faire. C'est tu n'es pas limité à un type de personnage. Voilà, tu n'es exactement. Il y a Louis qui vient de dire quelque chose. Il n'est pas limité à une classe sociale. Voilà. Tout à fait. Oui, donc on n'est pas limité à une classe sociale, mais en gros dans le jeu, il faut faire quoi? C'est quoi le but? Qu'est-ce qu'on doit jouer nous en tant que joueur? On joue des héros, apparemment, tu veux dire, on peut faire des héros, on peut faire des gens du commun, on peut... Tu joues quand même, je dirais quand même, la plupart du temps, des personnages principaux. Je dirais pas des héros, justement. L'objectif dans le jeu, qu'est-ce qu'on a... En gros, c'est quelqu'un qui va jouer, qu'est-ce que le joueur va devoir faire dedans? Tu vois, je crois que ça fait partie du système, justement. C'est ça que... Ouais, c'est ce que voulait dire tout à l'heure Jeff quand il disait... On va rentrer dans le système plus tard. Mais parce que moi, j'ai juste tout ce que je connais de ce jeu pour le moment... Bon, c'est son auteur, mais ça, c'est autre chose. Mais je connais les feuilles de perso et j'ai vu qu'il y avait une feuille pour les groupes. Donc ça veut dire qu'on va devoir décider au préalable, je pense, avant même la partie, quel groupe on fait et vers où on va. Je me trompe, Jeff ? Non, tu te trompes pas. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est déjà le système dont on est en train. Ok, de d'accord. Est-ce que tu veux embrayer sur le système ? Il se trouve que nous sommes déjà à 10 minutes de podcast. Donc, peut-être parler du système dès maintenant ? Donc, vas-y, on va taper le système. Alors, c'est parti. On va taper sur le système. Non, donc, toujours est-il, le système, franchement, est très simple. Pas beaucoup de jetage de dés, ça c'est clair. Tout est fait véritablement pour que ce soit quand même plus l'interprétation et plus le côté narrativiste, je dirais, où la narration est plus importante. D'accord. Il y a un maître de jeu ou pas ? Il y a un maître de jeu. Il y a un maître de jeu et c'est un maître de jeu qui a des grands pouvoirs, on va dire, quelque part. D'accord. Parce que, si vous voulez, ce qui va se passer, c'est que donc le personnage que vous allez faire, une fois avoir fait un archétype de groupe, une fois d'avoir décidé et profilé un groupe, vos personnages, vous allez voir, vont avoir des karmas, ce genre de choses. Donc c'est une destinée où vous allez pouvoir la choisir. Alors ça ne veut pas dire, entre guillemets, que c'est ce qui va se passer. Mais c'est quelque chose que vous proposez quelque part au maître de jeu. Le maître de jeu tranche toujours. D'accord. Voilà, quoi qu'il arrive. D'accord. Donc c'est en ça que je dis que c'est un super MJ. On ne jette pas beaucoup de dés. Non, y a... au pire c'est un des 20. En gros ce qui se passe c'est que pour chaque compétence, et donc pour répondre en même temps à cette histoire de jardinage de Thomas tout à l'heure. Faire des jardins japonais, des effets. Entre guillemets, il y a déjà des compétences déjà toutes faites, que tout le monde maîtrise à différents niveaux. Donc pour citer, ça va de aplomb, art de la guerre, athlétisme, chasse et compagnie. Donc il y a une liste qui est assez bien listée mais qui n'est pas non plus une grosse liste. Et donc en gros c'est des valeurs qui sont décrites, c'est à dire que ça va de rien, et j'ai bien dit rien, à notion, enfin vague notion, et ainsi de suite. C'est avec un système de cran. C'est un peu particulier, je vous avoue, que moi sur l'instant ça m'a un peu perturbé parce que je suis quand même habitué à jeter des dés. Ouais. Mais non, pour le coup, c'est fait vraiment pour aller assez vite. D'accord. Donc en gros, t'as des niveaux et on confronte entre niveaux. Si moi je suis au top et que l'autre il est faible, je gagne. C'est un peu conflit. Ça, ouais. Si éventuellement l'action tu ne peux pas la réussir parce que tu n'as pas le bon niveau, on va dire. Ouais. Attends, je te reprends le tableau rapidement. D'accord. C'est un système de difficulté quand même. Voilà. Une difficulté à battre. D'accord. Donc ça va de rien, vague notion, accompli, expert et maître. Voilà, on reste toujours comme des valeurs chiffrées, mais à la place de mettre des chiffres, il a mis des notions. Quoi. Tout à fait. D'accord. Voilà. Mais sinon, on reste toujours comme si c'était plus 1, plus 2, plus d'accord. 3, plus 4. D'accord, ok. Bon, pour l'instant, ça reste assez flou. Il y a Aloïs dans l'oreillette qui me dit qu'on n'a toujours pas dit que c'était un jeu de rôle qui était édité chez John Doe. Et c'est un jeu de rôle qui a été en grande partie chapeauté par Jérôme Larré, on peut le dire. Ouais. Hein, c'est quand même son. Pour moi, c'est le bébé de. Ça fait partie de la collection Dead on Arrival de chez John Doe. Alors, c'est quoi cette collection ? Tu peux nous en parler un peu ? Un livre, une base et pas de supplément. Enfin, c'est un livre prêt à jouer, quoi. Il n'y a pas besoin de plus pour pouvoir faire. Sachant que si j'ai bien suivi, par contre, il y a un écran qui est sorti ou qui va sortir, je crois. Qui va sortir, il me semble. Il y a quelque chose comme ça. J'ai un vague doute, mais j'en ai entendu parler aussi. D'accord. Eh bien, oui, je vois qu'il y a quand même beaucoup de testeurs et beaucoup de gens. Je ne sais pas si c'est un peu un raccourci de dire que c'est un jeu de brand. C'est peut-être important de préciser aussi la notion de destin dans Tenga avant la partie, je ne sais pas. Clairement, oui, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a donc un destin de groupe et vos destins à vous de personnage. Vu que c'est une époque quand même encore très trouble, guerre civile et tout ça, hein, y a pas vraiment de grand chef de désigné. Vu qu'au début du jeu, le fameux grand chef Oda Nobunaga s'est fait descendre. En gros, vos personnages vont être des personnages qui vont se révolter par rapport à leur situation de départ. D'où le et fait du que... coup, vous avez votre chaque personnage donc va avoir son ambition, c'est-à-dire ce qu'il voudrait réaliser. Je vais dire un truc tout bête, mon maître, je joue un personnage dont le maître est mort assassiné, venger son maître va être son ambition. D'accord. Et par exemple, je pourrais aussi mettre en karma, reprendre le dojo de mon maître. Mais bon, ça, c'est le maître de jeu qui tranchera. Et est-ce que ouais. C'est plutôt un jeu à campagne ou un jeu à one shot, justement ? Pour moi, je pense que c'est plus un jeu à campagne. Je suis plutôt d'accord. Moi, c'est pour ça que d'ailleurs, je préfère le préciser tout de suite. On va s'appuyer sur les pré-tirés du bouquin de base, mais je vais vous faire quand même travailler sur le groupe. Parce que je pense que c'est quelque chose d'assez dans le cœur du jeu même. D'accord. C'est vraiment cette coopération entre les joueurs pour définir ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Et je trouve ça super intéressant. Ok, eh ben c'est parti, on va faire les persos, puis on avant même, le j'aimerais juste dire un truc, je trouve que le livre est magnifique. Il est super. Ouais, voilà. Moi, j'aime beaucoup les illustrations. J'ai pas joué ni rien pour l'instant, mais honnêtement, l'objet est très très beau. John Doe, en général, j'aime bien ce qu'ils font. Le papier est joli, je trouve. Le fétichisme rôliste. Ouais, allez, ça va, bon. Et comme dirait Oda Nobunaga, Tenkafubu. Bon, alors voilà, on vient de tester Tenga. Alors la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il est quelle heure là ? 1h du matin, 2h ? Entre 1 et 2, enfin 2h30, un truc comme ça. On est 2h-10. On est rincé, vraiment. On a eu une grosse journée aujourd'hui. On a joué combien de temps à peu près là, Jeff ? 2h, un truc comme ça. En temps de jeu, ouais, 2h. Non, attendez. Pour moi, la création de personnages... Ça commence déjà à faire partie du jeu. D'accord, donc dans ce cas, on est plus 4. À 4 ou 5. Ouais, voilà, d'accord. Plutôt 5, même, je dirais. Ouais. Bon, parce qu'il y a eu le temps où on a fait des pauses. On en a parlé un petit peu, ouais. Donc, voilà, pour présenter un peu le contexte. On va. Alors, je pense qu'il faut vraiment commencer par la création des personnages et la création du groupe. C'est vachement important pour bien expliquer, à mon avis, comment ça marche. La première heure. D'abord, tu nous as un petit peu parlé de l'univers. Et finalement, assez peu de ce qu'on allait jouer. Parce que c'était pas déterminé à ce moment-là. Aloïs. Parce que c'était... Ouais. Parce que comme on devait créer le groupe, s'ils voulaient nous laisser la liberté de créer le groupe, ils pouvaient pas nous décrire ce qu'on allait jouer directement. Voilà, c'est ça. C'est ça. Tout à fait. T'avais pas prévu de scénario, au sens où t'avais pas prévu une succession de scènes qui est... Exactement, ouais. Voilà. T'avais vraiment, on a l'impression que ton scénario il a été vraiment fait et établi par les personnages qu'on a créés pendant la création de personnages. C'est tout à fait ça. Je me suis laissé porter par le groupe, quoi, on va dire. Ça, c'est très, très, très important. Oui, vas-y. Vas-y, non, je t'en prie. Moi, j'allais dire, faut noter aussi les petits jets de détermination de scénario. Ouais, ça, on en On y reviendra. On va revenir dessus. Je pense que le mieux pour présenter le jeu, c'est d'y aller par ordre chronologique, ce qu'on a commencé par faire, et puis voilà. Alors, il y a eu, pendant la création, on sentait qu'il y avait plusieurs dynamiques, il y avait des joueurs qui avaient envie d'avancer, parce qu'ils avaient hâte de rentrer dans le jeu. Mmh. Moi et Flavie, alors faut savoir que Flavie est allée se coucher aussi entre-temps, donc vous n'entendrez pas ses retours, mais elle n'a pas joué. Elle a beaucoup participé, elle a été très active pendant la création. Clairement, oui. Voilà. Elle faisait partie justement des gens qui étaient fatigués, donc avaient envie que ça avance assez rapidement. Mmh. Elle a été assez moteur à la création. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous ne pensez pas que la création des personnages et du groupe, c'est déjà le jeu ? On est déjà rentré dans le jeu. Alors, si, parce que d'un côté, on crée l'historique, on crée en partie la situation initiale. En l'occurrence, c'est pas systématiquement le cas, mais il y a le fait qu'on crée la situation dans laquelle sont nos personnages, même si c'est pas à proprement parler les premières minutes. Enfin, on détermine pas forcément les premières minutes de jeu, mais on détermine globalement. C'est les joueurs qui déterminent le cadre de campagne finalement. Ouais. Donc, ce qu'on va faire. Donc déjà, là, en créant le groupe et les personnages, on établit un contrat social dès le départ. Ouais, ça c'est vachement bien. Ça donne quand même une bonne part de liberté aux joueurs de pouvoir mettre un peu la main sur le cadre de campagne aussi, clairement. Et après, je pense que c'est important de signaler qu'on peut créer la table dans deux sens. Soit on crée les personnages et après le groupe, soit on crée d'abord le groupe et après les personnages. Alors, dans quelle démarche on a été, nous ? Nous, on a plus été dans le groupe, puis les personnages, même si au départ, on partait dans l'autre sens. Enfin, pour moi, je l'ai vu comme ça, parce qu'on a tous regardé un peu ce qui nous intéressait, puis au final, on a trouvé un cadre global pour notre groupe, et après, on a choisi nos personnages à l'intérieur. Je dirais que moi, si je m'appuie sur la base, donc le livre de base de Tenga, effectivement, on voit plus quand même la création de groupe avant, sachant que c'est bien précisé dans un des encarts de la base qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Oui, les deux clairement. Vont évidemment ensemble. Vaut mieux effectivement partir du postulat d'avoir quand même un embryon d'idée de personnage, de concept, avant de taffer sur le groupe. Ouais. Alors là, par exemple, on peut dire que par rapport à ça, le personnage de Flavie a été complètement moteur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement c'est plus là-dessus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Flavie avait choisi son personnage, en l'occurrence une Miko. Alors, est-ce qu'on peut expliquer pour l'archétype de la donc l'archétype qui est dans le livre de base, donc qui est la Miko apeurée. La Miko, qu'est-ce que c'est? C'est une prêtresse prêtresse vierge techniquement. C'est une assistante de prêtre en gros, voilà, qui bah c'est presque l'équivalent d'un diacre chez nous quoi. Voilà, il y a un côté aussi un peu oracle, prophétresse, oui. Quelque part. Alors justement, elle était, en l'occurrence, le personnage de Flavie avait, il y avait une espèce de prophétie sur son personnage qui disait qu'en gros, celui à côté de qui elle, elle cheminerait parviendrait à réunir le Japon. C'était le délire du personnage de Flavie. Et de notre groupe, du coup. Et du coup, l'un des antagonistes, du moins c'est ce qu'on croit au début de la partie, l'un des principaux à vouloir réunir le Japon, c'est donc Tokugawa Ieyasu, qui sera le futur shogun. Voilà, Tokugawa Ieyasu, d'accord, qui est donc cet antagoniste qui va détruire le temple de notre Miko, donc du personnage de Flavie. Mmh. Et nous, en fait, on est les seuls survivants du temple. Moi, j'ai choisi de jouer un médecin. Moi un guerrier qui se retrouvait dans ce temple-là depuis quelques temps. Et Thomas. Un comédien des rues qui se trouvait là par hasard et qui se retrouve intégré au groupe. Un peu malgré lui. Ouais. Mais en même temps, essayer de profiter de la dynamique de groupe pour essayer de récupérer une notoriété auquel il n'a jamais eu accès, car il faisait partie du bas peuple. L'originalité de Flavie, c'est d'avoir choisi comme objectif de notre groupe, après, de devenir une famille, ce qui sous-entendait qu'on devait être unis, mais c'était pas sûr d'être réalisé. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on crée une fiche de groupe. Qu'est-ce qu'une fiche de groupe? Une fiche de groupe a quand même pas mal de caractéristiques, puisque dès le départ, on demande quel groupe en fait on souhaite jouer. Ensuite, on va lui rajouter du karma, donc un objectif. Mmh. Attends, le karma, c'est pas l'objectif. Alors, c'est l'ambition. C'est la destinée. L'ambition, c'est-à-dire L'ambition et l'objectif clairement défini par les personnages. Donc là, nous, c'était reconstruire le temple. Voilà. Ensuite, on a choisi un karma, donc qui est, une fois l'objectif atteint, ce qui pourrait se produire. Ah non, c'est pas nécessairement atteint. Pas nécessairement. Alors, pas besoin de c'est ce qui va c'est se produire. C'est le destin. C'est ce qui va se produire. D'accord. Donc là, c'était de devenir ce qui devrait se produire. Oui, c'est vrai. Il y a des possibilités d'aller contre son karma. Là, l'originalité est de laisser finalement au joueur. Une piste au maître de jeu, je pense, en disant voilà, on pense que le groupe, son karma, finalement, ça va être ça. Alors, est-ce que ça va vraiment se produire? Seul le maître de jeu, entre guillemets, le fera voir ou pas. Ensuite, il a fallu qu'on spécifie un talent. Alors, le talent, ce que j'ai cru comprendre, c'était une fois qu'on a choisi cette compétence, le talent donnait un bonus dans cette compétence-là, pour tout le groupe. C'est par rapport au système de points de confiance qu'il y avait entre les joueurs. D'accord, parce qu'en plus, sur les fiches de personnages, on a des confiances. On va revenir un petit peu plus tard. Donc, en gros, il y a une fiche. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une fiche de personnage pour le groupe. Pour le groupe, c'est ça. Une fiche de perso pour le groupe, clairement. Avec différentes choses dessus. Donc on le disait, le karma, les ambitions, le talent, etc. Des ressources. Des ressources, ouais. Là, on pouvait choisir des ressources qui va permettre de... On collectivise nos savoir-faire. Hein, et donc, j'imagine que... Alors ça, on ne l'a pas testé, donc je ne fais que projeter, Jeff. Juste pour dire, pour les auditeurs, pour la session de ce soir, ce qu'on a fait véritablement, c'est-à-dire qu'on a commencé, on a fait un groupe, mais on s'est appuyé aussi sur des archétypes. Oui. C'est ça que ceux qui nous écoutent comprennent bien. Des fiches pré-tirées, tu veux dire. Voilà, c'est-à-dire qu'on a pris les pré-tirées du bouquin de base. Voilà, exactement. Donc on a créé le groupe, de nos mimines, on va dire, mais on a pris les pré-tirées. Je pense que c'est un point. Important. Donc il y a en plus du groupe des ressources qui sont un peu les les biens, on va dire, du groupe, parce que là, on avait choisi quatre catégories. On avait la foi, des ressources de foi, des ressources d'aura, de population et de relations. Une fois ça, on peut décrire ces groupes pour avoir des choses un peu plus précises. Ouais. Genre, dans la foi, on a choisi qu'on représentait un Shinto qui était bienveillant pour tout le Japon. Donc, dans tout le Japon, on savait que notre foi était bienveillante. Ouais. Donc, ça donne des réputations. Donc, on a choisi ça pour toutes les ressources. Et une chose que j'ai trouvée très intéressante, c'est l'accomplissement. L'accomplissement, donc, si j'ai bien compris, se fait à chaque scénario. En gros, c'est l'objectif que le groupe se donne pour cette séance. Pour la session. Pour les séances, en règle générale. Une session, donc voilà, d'accord. En règle générale. Voilà, parce que quand tu, c'est vrai que hors micro, quand vous avez parlé de séance, pour moi, c'était vraiment la partie de ce soir. Dans une séance, ça peut être plusieurs... C'est session qu'il avait utilisé. Oh, session, pardon, excusez-moi. J'ai fait le mélange. Parce que du coup, l'objectif n'est pas obligé d'être atteint à chaque séance. Parce que voilà, sinon, c'est et un peu trop sachant que j'avais oublié de vous le préciser, aussi, vous pouvez le changer en fin de session. Enfin, en fin de partie. Ça peut être éventuellement changé. Selon ce qui se passe pendant la partie, oui, ça paraît assez logique. D'accord. Donc, en plus des ressources, il y avait aussi une chose qui était à dire, c'est on se met ensuite des limites sur le groupe. C'est bien d'avoir des avantages, mais il faut aussi penser à avoir des inconvénients. Voilà. Donc vraiment une fiche de perso qu'on voit à peu près classique, quoi. Mais pour un groupe. Mais pour un groupe. C'est ça qui est intéressant. Groupe. Voilà, donc c'est bien présenté ce groupe-là. Alors, moi, ce que je trouve remarquable dans cette fiche, c'est que ça pose un contrat social. C'est-à-dire que dès le départ, chaque joueur autour de la table est obligé de s'entendre sur ce à quoi on va jouer voilà. Ce soir. Et je reviens effectivement sur une chose important. Que j'avais dit en tout début de podcast, quand Jeff t'avait dit on peut jouer tout type de personnage dans ce jeu. Effectivement, on peut le faire, parce que grâce à cette fiche de perso, oui. Bah, quelqu'un qui décide, dès le départ, on va dire, si on veut jouer des courtisanes, si tout le monde est d'accord, on fait un groupe courtisane. Oui, c'est ce qu'on disait voilà. Tout à l'heure. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. On n'est pas ce cas de dire, il y en a trois qui veulent faire des courtisanes et il y en a deux qui vont faire des bourrins. Absolument. Et donc, c'est vraiment pas mal. Et là, effectivement, je pense qu'on peut quasiment tout jouer, tout type de personnage dans ce jeu, sans sortir, sans faire différents. Sans faire la famille Adams. Voilà. Merci, c'est bien. Par rapport à la feuille de groupe aussi, ce qui met. Par rapport au contrat social aussi, ça va être la durée de la campagne. Par rapport, donc, je reviens sur donc, karma, ambition, accomplissement et autres. Ça peut clairement être défini dès le départ de faire quelque chose de court. C'est ça aussi que je trouve intéressant. Oui, mais justement, ça permet en fait, que, vu que cette feuille de groupe est faite par les joueurs, avec le MJ à côté, une fois que la feuille est remplie, le meneur, lui, il prend sa fiche, il dit « Ok, je vois les besoins de mes joueurs, je vois ce qu'ils veulent faire, donc je peux orienter autour de ça. » Voilà. C'est un peu une fiche, un compte rendu pour dire bah tiens MJ, moi je vais faire ça. Voilà. Clairement. Donc c'est vachement bien que dans ce jeu on ait ce conseil de, enfin une technique pour que les joueurs puissent transcrire leurs besoins. Et se mettre d'accord. C'est vraiment très bien. Le contrat social est très souvent tacite dans les jeux. Et là c'est une façon de le mettre sur papier, même si bon c'est une façon plutôt intradiégétique comme dirait Fred. Parce que bah justement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, Louis ? Dans l'histoire, enfin dans le récit. Ouais, c'est d'accord. C'est les faits qui sont dans le récit. Si je me rappelle bien, ce qui devrait aller. J'en sais rien. Il est un peu tard, donc on peut se tromper. Ah, puis alors, le vocabulaire de Frédéric. voilà. C'est le moment où. On lui dit toujours bonjour, de toute façon. Hein. donc voilà, moi je pense que c'est un des points forts du jeu, c'est cette fiche de groupe qui permet de se mettre d'accord dès le début et d'éviter d'avoir un joueur qui se retrouve lésé à la table. Mais, qui diminue le. T'es pas d'accord avec ça, non, justement, je voulais rebondir là-dessus. Vas-y. C'est justement par rapport à cette fiche de groupe. Moi, ce que j'aurais voulu savoir, qu'est-ce que vous en pensez véritablement ? C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que là, on a dit en gros ce qu'on en pensait du point de vue des mécaniques. Maintenant, je voudrais voir comment vous l'avez vécu maintenant. Enfin, voilà, tout à l'heure. C'est votre ressenti par rapport à ça. Ouais. Toi, Loïs, ce passage, création de fiche de groupe et tout. Moi, j'ai beaucoup aimé globalement. Il y a juste eu le moment où on a déterminé le karma, où je me suis senti un peu frustré, parce que moi, ce que j'aime vraiment dans la notion de karma dans Tenga, c'est que ça peut aller complètement au contraire de l'ambition. D'accord. Et du coup, là, se retrouver à faire une famille, ça a été vite, c'est Flavie, elle a dit ça. On a fait, moi, j'ai trouvé voilà. Ça vraiment trop bien, en fait. Oui, parce que ça correspondait vachement au canon, Watanabe, tout ce qui est. Ouais, voilà ça, tout ce qui est Samurai Champloo et tout ça. C'est-à-dire que c'est vrai que les personnages dans ce genre d'animé, comme Cowboy Bebop ou Samurai Champloo, cherchent à travers leur histoire personnelle, à fonder une famille. Seulement, comme ils ont des histoires personnelles qui sont très très lourdes, un passé qui est à la limite du passif, ils n'y arrivent jamais. Donc je trouvais ça vraiment intéressant. Ah, ça. Je trouve ça très intéressant, ouais. Mais moi je pensais vraiment à faire quelque chose de tragique. Et puis juste après, Jeff il nous dit, choisissez un rival, tu sais, là tout de suite tu penses samouraï au tournesol ou je sais pas quoi. T'es vraiment dans le canon du truc. Moi je trouve que ça... Donc du coup, la proposition de Flavie est passée, mais... Oui. Toi, tu trouvais j'ai décevant. Une petite frustration, mais voilà, c'est rien du tout parce que le karma qu'on a choisi finalement est quand même assez intéressant sur la proposition qui est faite avec ce karma était intéressante. D'accord. Mais c'est vrai que moi, je pensais vraiment faire dans le tragique. D'accord. Autre chose à ajouter, on passe à Thomas, qui est probablement celui qui a le plus de choses à dire sur cette phase de jeu. Puisque toi, Thomas, tu ne t'y es pas du tout retrouvé. Alors oui, j'ai eu une grosse difficulté ce soir. J'ai pas été productif du tout puisque j'ai créé un perso, j'ai pris un perso donc de la base. J'irai pas par dépit en fait, parce qu'il y a vraiment vraiment beaucoup de persos. J'ai pas réussi à en trouver un qui me convenait le mieux. Alors je sais pas encore exactement pourquoi. Et quand on a fait le groupe, en fin de compte, j'ai essayé de m'intégrer au groupe, j'ai pas réussi. Et à la fin, vous avez fait un groupe à trois et je me suis plus intégré. Mais là, c'est vraiment une expérience de soirée. Il y a entre 50 et 60 personnages pour tirer. Enfin, c'est pas lié au jeu. Alors moi, je pensais à quelque chose, une petite explication. 54. C'est que te connaissant en tant que joueur, je sais que toi, tu aimes bien les rôles de personnages moteurs. Et qui sont à part. Je prends un exemple, la partie de Milvaux qu'on avait faite avec Picatoulou, où tu jouais la vieille, qui est le moteur justement de l'histoire, qui va lancer le truc. Alors, ça, je sais que t'aimes bien ce genre de personnage. Attention. Le commandant, dans la Kuna. Souviens-toi ce que tu jouais. Dans la Kuna, tu jouais le commandant. Dans Sens, mauvais qu'est-ce que tu exemple. Jouais le Kadria, le personnage qui est à part, qui est là, différent des autres. Là, c'est un bon exemple. Parce que pour Milvaux, c'était des prétirés, c'est un personnage que j'ai eu. On t'a imposé. Voilà. La Kuna, si je me souviens bien, c'était quasiment pareil. Ok. Je te citerai une autre campagne de Agone où tu jouais une méduse qui était à part. Alors, t'as toujours oui, c'est des rôles alors, c'est à part. C'est peut-être une possibilité. Moi, j'aime jouer en groupe. Donc, oui, tout à fait. Non, voilà. mais tu aimes imposer au groupe un personnage singulier. C'est un possible. Personnage qui n'a pas sa place ici. Mais il est dans le groupe. Mais on sait pas, mais il est dans le groupe. Et c'est ça qui est sympa. Voilà. Souvent, le Trickers, regarde, par exemple, 6PO. Et 6PO, typiquement le 6PO, c'est-à-dire le perso, t'as une bande de héros qui sont super mobiles, super actifs, ils sautent dans tous les sens avec des sabres laser, et là t'as un personnage qui est super figé, qui est quoi ? Expert en communication, qui a rien à foutre là, qui ouvre ben ça c'est portes. Le genre de perso... Qui t'ouvre... Non, ça c'est R2. R2 encore, R2 c'est un vrai héros de Star Wars. Mais 6PO qui est là, c'est l'humour. Et moi je sais que c'est le genre de perso que t'aimes bien. Alors, c'est possible. Dans Tenga, juste pour, j'ai l'impression que le système t'oblige à avoir une cohésion de groupe qui t'empêche finalement toi, Thomas, en tant que joueur, de jouer le truc qui te plaît. Alors c'était une théorie que j'avais avec. C'est possible. Dire, on a essayé, j'ai essayé de trouver le problème. Je l'ai pas trouvé. Parce que d'habitude, justement, en matière de création de jeu, Tom, t'es souvent un élément. Moteur. Je suis d'accord. C'est toi qui fais toujours le truc, tu dis ah, voilà. Tu proposes, là, tu fais comme proposition. Là, mais je pense pas que ça vienne du jeu. Alors, parce que d'un point de vue mécanique, je trouve ça, la fiche de groupe, très bien. C'est très intéressant. Et je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui a bloqué. T'as été bloqué aussi au départ parce que. Alors, deuxième truc, de l'extérieur, je te propose des trucs, tu dis non, il y a pas de problème. D'accord, non. J'ai l'impression aussi qu'il y a un moment donné où tu t'es dit mais attends, ça va être quoi l'enjeu du scénar? Il y avait un moment donné où alors, tu t'es dit il y a peut-être ça aussi, c'est que je savais pas ce que j'allais faire. Voilà, en fin de compte, on était là, j'avais pas un objectif dès le départ, donc j'étais peut-être dans le flou aussi. Une autre chose aussi qui est importante, non ça c'est dans ma façon de jouer, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un problème, c'est que je suis incapable de créer un perso ex nihilo. C'est-à-dire de rien. C'est-à-dire un perso voilà, qui émerge de rien. Moi, effectivement, quand je crée un personnage, je crée un contour. Ouais. Et une fois que j'ai ce contour, je joue et ça devient de moins en moins flou au fur et à mesure. Voilà, c'est ça. Et dans Tenga, il est fort possible, c'est que dès le départ, t'as des personnages qui sont très carrés avec des objectifs. Et c'est peut-être ça qui m'a bloqué. Oui. C'est peut-être et une grande possibilité. Moi, j'en suis sûr, parce que c'est le truc qui te bloque dans ce sens quand tu dois inscrire les faits sur la fiche de perso. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tu crées sans vraiment avoir de base où tu te dis, mais merde, Attends, t'as l'impression que tout est ouvert et en même temps qu'il n'y a rien d'ouvert parce que tu vois pas où on va. C'est largement possible. Oui. Et c'est ça qui te bloque. Et ça bloque beaucoup de joueurs à sens. Effectivement... Et ça bloque beaucoup de joueurs à sens. Ouais. T'es pas le seul. C'est peut-être le point noir du jeu. C'est peut-être pour ça que j'ai été bloqué ce soir. C'est de faire le jeu avant le jeu sans savoir ce qu'on va faire pendant le jeu. C'est ça peut-être qui t'a bloqué. Jeff, t'avais quelque chose à. C'est toujours sur le coup du groupe, quoi, de la création du groupe. C'est vrai que bon, je veux pas laisser penser aussi que la création de groupe est obligatoire. Je pense que c'est pas obligatoire. Attends. Ne saute pas dessus, voilà. Thomas, s'il te plaît. Vas-y, Jeff, t'en prie. Non, c'est. Je dirais que c'est pas une option, c'est vraiment intéressant. Mais il faut pas non plus que les personnes qui nous écoutent pensent qu'on est obligé de passer par cette étape forcément. Attends, je comprends pas. Attends, Jeff, tu me fais peur. On te dit, vous pouvez faire une fiche de groupe. Ou vous devez faire une fiche de groupe. Ouais, c'est important, Jeff. C'est très important. Là, attends, là. Parce que là, t'es en train de nous déstabiliser le tension jeu. Tension dramatique. Ouais, je prends ma base et je regarde. C'est moi qui pose la tension dramatique. Parce que, en fait, le truc, c'est que si c'est vous pouvez, je trouve que le jeu. C'est dommage. Ah ouais, c'est vraiment dommage. Parce que ça perd sa force. C'est génial. La fiche de groupe, c'est génial. Moi, c'est ce que j'ai préféré. Si tu me dis que c'est optionnel, ça me. Doit être fortement conseillé. Mais. Parce que pour moi, c'est fortement conseillé. Tenga attache une importance particulière à la notion de groupe. Voilà. Première page de créer un groupe, joue à Tenga. D'accord. C'est okay. Page 34 pour ceux que ça intéresse. Moi, il me semblait bien aussi que parce que tu m'as choqué quand tu as dit ça. Donc, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même fortement conseillé. Ils doivent te dire que si jamais ça déstabilise trop de gens, ils peuvent le faire sans. Et par la cellule, donc c'est testé et approuvé, c'est fortement conseillé. Ah, c'est très. Je pense que si on enlève ça, on perd une énorme partie du jeu. Non, mais attendez, si on enlève ça, il y a plus de cohésion. On a le problème que Thomas signalait tout à l'heure. La famille Adam. C'est un peu voilà. On va se retrouver avec une équipe à la Vampire la Mascarade, où t'as des ambitions pour chaque joueur qui est totalement différente. Jeff, tu lèves la main depuis tout à l'heure, t'as envie de parler. Non, Jeff. Peut-être que c'est moi qui me suis mal exprimé pour cette histoire de groupe. Non. Mais moi, je pense qu'effectivement, c'est un style de jeu. Pour moi, forcément, le groupe, fortement conseillé, comme vous l'avez dit. C'est pour ça que d'ailleurs, je voulais présenter comme ça. Pour moi, c'était une étape incontournable pour Tenga, tout simplement, pour appréhender Tenga. Mais faut pas que ça déstabilise non plus les joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude, quoi. C'est ça le truc. C'est vrai que oui, mais justement, je pense que quelqu'un qui a pas l'habitude de cette fiche-là, moi, je leur dirais, faites-le quand même, obligez-vous à le faire, parce que vous allez vous rendre compte que c'est vachement plus intéressant. Alors, tu sais quoi, Thomas ? Moi, j'irais même plus loin. C'est que je pense qu'en fait, les joueurs, à toute l'étape de jeu de rôle classique, font cette fiche, mais de manière tacite. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, parce qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble. Voilà, ils ont l'habitude de jouer ensemble, donc ils savent exactement comment va jouer un tel, quel rôle ils vont s'octroyer et quel va être le but. C'est-à-dire que le contrat social est souvent tacite. Ce jeu, Tenga, est un jeu de rôle traditionnel qui a le mérite de mettre dans le système... cette notion de contrat social. Et c'est, à mon avis, c'est le gros point fort de Tenga. C'est vrai, franchement, c'est ça qui est vraiment sympa. Aloïs. Moi, ça me fait penser à Loup-Garou. Je sais plus quelle édition. Je pense que ça doit être le White Wolf. L'Apocalypse. Oui. Werewolf. L'Apocalypse, ouais. Où on doit définir les niveaux de la Lune, enfin les phases de la Lune. Mais enfin, moi, j'ai plus joué à la version Loup-Garou d'Orient, donc Engei Yokai. Fais complètement une équipe de Sentai. Hein. Il y a 5 rôles possibles. Il doit y avoir le pilier, la dague, la lanterne, et puis je sais pas quoi. Disons que c'est pas si explicite dans Werewolf. Oui, c'est pas aussi explicite, mais le fait est qu'on y a vraiment une place qui est faite au rôle du personnage dedans et que ça aide à créer le contrat social. Et par rapport au fait que tu prennes un totem et compagnie, effectivement, c'était déjà plus ou moins tacite. Ouais. Je voudrais passer à Jeff. Jeff, en tant que meneur, cette phase de création de groupe, comment tu la vis, toi ? Moi, franchement, j'ai adoré. T'es pas en train de te dire, putain, merde, j'avais préparé un scénar. Non, justement, c'est. C'est important. Le point de vue dire. Du maître de jeu, dirons-nous. C'est vrai qu'avant pour préparer cette séance, il a fallu que je fasse deux choix. Enfin, il a fallu que je fasse un choix, pardon. Soit le covoiturage, soit le train. Et dans un cas, on t'a fait un faux plan, et dans l'autre, il y avait un éboulement sur la voie, c'est ça ? Et surtout, ne pas insulter les Camilles de la Terre. Mais. toujours est-il, en gros, le choix que j'avais, c'était soit classiquement créer directement un groupe, Jeff. Des archétypes et compagnie, vous les proposez et hop, on y va directement, ou soit, plus risqué on va dire, je vous faisais faire la création de groupe. Et plus je lisais le livre, alors au départ j'étais sur la première, la première option. Ouais. J'y ai perdu un peu de temps, mais bon, c'est pas grave, ça m'a permis de décortiquer le bouquin. Ouais. Mais au fur et à mesure, je me suis dit non, on peut pas passer à côté de la création de groupe. Excellent. Oui, voilà, pour moi, le pari risqué, bravo, c'était plutôt de faire des prêts-tirés avec un groupe prêt-tiré. C'est l'autre qui disait qu'il était. Ah oui, d'accord, ouais. Okay. Et du coup, moi, je trouve que personnellement, à ce niveau-là, c'était beaucoup mieux, quoi. On peut rester à s'appuyer sur les archétypes. Je pense que ça l'a prouvé ce soir, ça marche. Mais le groupe, faut vraiment le faire, je pense. Ah ouais, c'est toujours mieux de créer son personnage de A à Z. Thomas, hein. Qu'est-ce que tu dis en Moi, je dis que l'affiche du groupe, c'est obligatoire, c'est parce obligatoire. Que moi, ça me fait. Si je dois faire une image, c'est le cahier de correspondance du joueur qui remet à son MJ à chaque fin de séance. Ouais. Voilà, dire voilà ce que je veux. C'est vraiment une discussion qui est faite par écrit et qui permet au MJ de vraiment créer pour ses joueurs et pas créer que pour lui. C'est cette fiche-là qui fait que qui oblige le jeu à être fonctionnel, en fait. Et s'il n'y avait pas cette fiche-là, la possibilité de dysfonction existerait. Oh, ce serait énorme. Elle serait énorme. Alors que là, elle est minime. Elle existe. On va en parler après. Mais elle existe. Mais on verra comment. Jeff. Oui. Donc en tant que meneur ou gros tri, pas du tout. Merde, ils vont casser mon super scénar que j'ai prévu. Au contraire, même plutôt. Bon, alors je. Il n'avait pas prévu de scénar. Je peux avouer que j'ai été très vilain sur ce coup-là. Non, je n'avais pas de scénario sous le coude. Le scénario, justement, j'ai utilisé un des autres outils proposés dans la base de Tenga. C'est très bien. C'était quoi cet outil? Alors, en gros, ce qui s'est passé tout simplement, donc, au moment où vous étiez en train de créer le groupe, je vous ai laissé argumenter un petit peu et définir tout ça. Donc, c'était au moment où je vous ai demandé que des mimines innocentes jettent des dévins, tout simplement. Il n'y a pas de main innocente ici, Non, mais c'est clair, le rôle... Page 179. Oh, merci Aloïs, c'est gentil. Donc effectivement, vous avez dans les annexes de Tenga, donc page 179 comme disait Loïs. Et preuve que c'est quand même un espèce de best-seller, ce truc, c'est qu'il y a quand même deux bases autour de cette table. Il faut signaler que j'ai acheté le jeu à sa sortie. Mais il faut dire, Tenga a plu, hein, je pense. Hein. Oui, c'est clair. Même si son nom là, a un peu fait de la... Ça lui a un tout petit peu porté préjudice. Je pense pas. À cause du fait qu'il y ait des gens qui se sont foutus de sa gueule à cause de ça. Non, mais justement, ça buzz encore plus. Oui. On voit que t'as pas encore sorti de jeu. Les caricatures, tout ça, faut que ça buzz. Le fait est que c'est un nom de sextoy, mais tant mieux, ça buzz. Le fait est qu'il m'avait attiré et à la lecture, ça reste un de mes jeux. Effectivement, pour revenir après ces histoires de sextoys, donc dans les annexes, hein. Et pas dans les annales, bref. J'allais faire une blague de merde. C'est une blague de merde en l'occurrence. Bon, bref. Générateur aléatoire de scénario, donc dans les annexes. Donc avec trois champs. Donc action, objet / avec et lieu. Donc il y a une vingtaine pour ces trois champs-là. Donc ce que vous avez fait les gars, c'est que le premier GD, vous êtes tombé tout simplement, alors je reprends ma jolie petite feuille. En gros, donc vous m'avez tiré dans les actions 3, 17, 17 et 11. Voilà, c'est ça, détruire. Après, vous êtes tombé donc sur objet ou avec, donc c'était une preuve. Ouais. Et la troisième, qui était le lieu que je n'ai pas trop utilisé, ou du moins que j'ai déformé on va dire, c'était un lac. Sachant qu'en gros, je suis plus parti sur une rivière sur l'instant. Ça s'est transformé en rivière. Il y avait quand même de l'eau, comme diraient les Japonais. Il y avait de l'eau et de la brume. Voilà. Donc avec ça, Thomas, ça t'a permis de diriger pour créer un scénario. Voilà. Je me suis laissé porter par mon inspiration. Petite question, Loïs. J'ai cru entendre me dire que ces mécaniques-là étaient une mécanique John Doe. C'est un jeu de création Jando. De scénario. Après la mécanique, je sais pas du tout. Non. Ah oui. Il me semble que c'est quelque chose qui revient dans quasiment tous leurs jeux Dead on Arrival, mais je saurais pas l'affirmer. Voilà, parce que c'est une série qu'ils ont chez Jando. Et donc tu seras pas certain. C'est un jeu en un livre, mais je suis pas sûr. D'accord. Alors moi sur la partie où on a créé le groupe rapidement pour boucler la boucle. J'ai trouvé ça vraiment énorme, surtout parce que t'avais aussi mis de la musique et tout pour nous mettre dans l'ambiance. C'est là un peu que j'ai commencé à comprendre que l'ambiance ce serait un peu Shogun et tout ça, et ça m'a vraiment bien plu. Moi, je dirais même que la création de groupe m'a plus plu que la partie elle-même. C'est-à-dire que... Je peux comprendre. En fait, parce qu'on n'a pas assez joué, en fait. Mmh. Je pense que tout simplement, si ça avait duré plus longtemps, si ça avait été sur une campagne, peut-être que là, on aurait... Mais en tout cas, pour moi, c'est ce que j'ai préféré dans le c'est jeu. C'est clair net que à ce niveau-là, moi, je partais plus ou moins perdant, on va dire. Parce que, bon, même si je l'ai dit tout à l'heure, définir que ce soit court, c'est quand même effectivement, je dirais peut-être pas campagne, je vais utiliser un terme un peu manga, un peu série télé, série. En arc. Ouais, si ouais. Vous voyez ce que je veux dire. Non, je vois pas, c'est quoi ? Des arcs, en gros, ça va être... En période de jeu, si tu veux. En gros, un arc, c'est on va prendre un méchant, pendant saison, tant d'épisodes, on pourrait imaginer ça comme une saison. Tu prends Senseiya, le sanctuaire, c'est un arc. D'accord, ok. Hades, c'est un autre arc et tout ça, voilà. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Ouais, parce que justement, pour revenir sur cet aspect d'arc, on va dire, effectivement, c'est là que on se rend compte que, par exemple, les objectifs de groupe et compagnie peuvent être changés. Bah, je pense notamment au fait de les accomplir. C'est pas parce que faut pas non plus que les personnes qui nous écoutent se disent bon, c'est cool, génial, on a choisi un petit peu la fin de notre groupe, si on réussit et compagnie, mais rien n'empêche après de continuer, bien évidemment, quoi. Et hop, le groupe repart sur un nouvel objectif. Non, mais je vois bien l'idée. Ouais, ouais. Voilà, c'est pas un jeu qui se joue en one shot. Alors là, c'est ce que Thomas, avec Thomas, on a d'énormes discussions par rapport à cette émission, justement one shot, en disant à chaque fois oui, mais bon, est-ce qu'on peut tout tester en one shot? Est-ce qu'il n'y a pas des jeux qui posent problème, etc. Ma réponse, elle est claire. C'est de dire que les auditeurs savent, connaissent les conditions dans lesquelles nous testons Tenga. Oui. C'est exactement comme Level 1 de Marcus. On sait qu'il ne teste que le premier niveau. Évidemment, si à un moment donné, dans le deuxième niveau, il y a un énorme twist qui fait que même au niveau du gameplay, ça change, bon bah voilà, et c'est Level 1. Level 1 ne teste pas qu'un seul niveau. Non, mais tu vois le... Oui, non, d'accord. Oui, excuse-moi, Thomas. Et nous non plus, Voilà. Non, mais je reviens toujours. On teste pas la première heure de jeu. Voilà. Je pense que c'est des jeux, si tu veux, pour avoir, pour tester, pour voir une mécanique, ça marche bien. Pour avoir un réel retour sur le jeu. C'est tout ce qu'on fait. Nous, on prétend pas dire le jeu, il est bien, il est pas bien. On dit, voilà les mécaniques, ce qu'elles mettent en place, voilà ce que nous, on a ressenti après une partie. Voilà. Mais que je sache, réécoute tes one shot, à chaque fin de one shot, on dit bon, t'as aimé ou t'as pas aimé? Moi, je suis incapable de dire si Tenga j'aime ou j'aime pas, parce que pour moi, j'ai pas testé complètement Tenga. Parce que c'est un jeu, pour moi, campagne, sur un one shot, c'est pas possible. Non, mais la création de personnage est tellement longue. Non, mais au terme de ce one shot, t'es quand même capable de dire si t'as envie de faire une campagne de Tenga ou pas. J'en donne pour preuve les 1000 marches. La dernière fois, on a testé les 1000 marches. Voilà, tu t'es dit, oh, putain, ça a l'air vraiment bien. J'ai envie de me lancer dans une campagne. Moralité, t'as lu le bouquin, tu t'es intéressé au Musard. Voilà, c'est pareil. Donc ça veut dire que ça te permet quand même, en tant que critique, d'avoir un avis à donner sur le jeu. Est-ce qu'on dériverait pas un peu du sujet là? Non, mais juste, c'est une parenthèse, hein, ça prend 3 minutes. Mais voilà, de toute façon, on rappelle à chaque fois aux joueurs que c'est un jeu, Tenga est un jeu qui privilégie la campagne. On va voir d'ailleurs quels sont les mécanismes qui font que c'est un jeu de campagne. On va en parler tout de suite après. Mais voilà, préciser que nous, on joue en one shot, que c'est la clause. On peut pas juger la campagne Tenga, on va pas juger ça. C'est pas ça. On juge notre première partie du jeu. Jeff, Aloïs. Moi, c'était juste pour dire qu'on a à chaque fois, de toute façon, on dit aux joueurs quand on sent que le jeu n'est pas fait pour un one shot. Oui, voilà. À chaque fois, c'est rappelé dans le podcast de toute façon. Ça reste toujours aux joueurs de se faire son avis, je pense. Pour ce genre de jeu-là, je pense qu'effectivement, plus un avant-goût qu'on donne que. Alors, on peut peut-être rentrer à la partie proprement dite, à moins que vous ayez d'autres choses à signaler. Thomas, Loïs? Non, je pense que c'est aussi bien de lancer les personnages pour voir un peu ce qu'il y a. Un ou deux points de système, peut-être. Oui, vas-y, Loïs. Donc moi, je tenais à parler de l'entretien pour des personnages comme le mien qui sont assez âgés. Je voulais en parler aussi. C'est quand même quelque chose qui force tous les jours les joueurs à faire des actions pour éviter de perdre leurs compétences. C'est génial. Donc moi j'ai trouvé ça très bien dans le jeu aussi. Moi aussi. Le fait que les blessures soient gérées individuellement jusqu'à leur guérison complète, et même encore là ça laisse des séquelles. On peut aller plus loin sur l'entretien ? Oui. Alors, je veux bien qu'on continue cette énumération. Moi aussi, j'ai des choses à dire. Mais j'ai envie de dire pourquoi. L'entretien, ça crée du jeu, tout simplement. Oui, on est d'accord. C'est-à-dire que tu vas avoir ton perso, par exemple, toi, qui doit sortir de la hutte pour aller s'entraîner. Malgré le fait qu'il pleuve, en fait. Dès qu'on dépasse le niveau accompli, si je me rappelle bien, l'entretien nous demande autant d'heures d'exercice par jour pour éviter de baisser, en fait. Ça impose une cohérence de fond, en fait, sur tous les personnages, en termes d'action, en termes de ce qu'on appelle généralement le roleplay dans le jeu de rôle traditionnel, c'est-à-dire les choix de jeu qu'on fait en tant que joueur sur son personnage. Mmh. Toi, comment tu... T'as déjà fait d'autres tables de Tenga ou c'est la première fois que tu joues, Jeff? J'allais te demander, est-ce que sur d'autres tables, t'as déjà eu des fois où le scénar se lançait carrément à cause de l'entretien? Non. Honnêtement, je suis pas de... on n'a pas tourné dessus, véritablement. Ouais. Moi, de ce que j'avais fait, c'était un one-shot. Ouais. Assez rapide, et histoire de tester un petit peu, quoi. D'accord. Et c'est vrai que c'est un facteur que... Pareil, je pense que à introduire dans le principe de campagne sur plusieurs heures de jeu et compagnie, a bien, je pense, quelque part marteler ça aux joueurs. Thomas. Moi, ce que j'ai peur avec l'entretien, effectivement, si tu dois régulièrement passer 2 heures à t'entraîner au sabre, ça finit par je me lève le matin, je m'entraîne pendant 2 heures, on reprend la partie. Mais non, je suis d'accord avec Thomas, on peut y tomber. On peut tomber dans ces écueils-là, je suis d'accord. Mais c'est pas systématique. Ça dépend toujours de la personne qui le fait. Néanmoins, ouais, je suis assez. Là, je suis vraiment d'accord avec Thomas. C'est un travers qui peut arriver très rapidement. Ça. Mais là, on est dans le peu. Ça peut arriver. Je veux dire, c'est comme quand. Est-ce que je peux parler de sens néant ou pas? Oui, a priori. Enfin, quand les personnages doivent se reposer. Il y a au bout d'un moment, t'as pas chaque nuit un truc à raconter. Ça devient difficile au bout d'un moment. Donc, s'il faut le faire une fois par session, histoire de marquer le coup, de dire je fais l'effort de parler de ce que je fais pour entretenir mon personnage, ok. Mais si à chaque fois qu'on passe une nuit, le matin, il faut le redécrire, ça devient vite chiant. On est tous d'accord là-dessus, je pense. Bah, de toute façon, je pense que ça, c'est un petit peu ce que je dirais la tambouille du maître de jeu, quoi, grosso modo. C'est, je pense que moi, en tant que maître de jeu là-dessus, si je l'entends au moins cité par un joueur par séance, c'est bon, ça me va. Moi, c'est vrai que je vois pas du tout le côté moteur au niveau de l'entretien. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas devoir faire des actions pour entretenir ton niveau. Par exemple, si t'es médecin accompli et que tu dois entretenir, ça veut dire que tu vas devoir exercer. Donc, tu vas devoir jouer ton rôle de médecin, si tu veux, de la calligraphie. C'est pareil. Oui, mais je reviens toujours. Je vois pas ce qui. La chasse. En fin de compte, moi, j'aurais à faire du Tenga, j'aurais à faire jouer l'entretien. Les gars, ils disent, les gars, vous faites quoi? Vous avez de l'entretien à faire. Bon, vous faites vos entretiens en début de truc. Ok, c'est fait, on passe à autre chose. Mais ça dépend. Je vois pas le moteur, si tu veux. Le fait d'obliger les joueurs à faire ça, je vois pas en quoi c'est un moteur. C'est tout. Je vois pas le côté moteur. Si vous deux vous le voyez, c'est bien. Je sais pas si vous autant le voir. C'est pour ça que j'essaie de voir plus de base. Le truc tout bête. C'est un élément de plus à jouer. Ça te fait un élément de plus à jouer. Un samouraï qui va à un dojo pour s'entraîner, qui va rencontrer d'autres samouraïs, récupérer des informations. Par exemple. Faire des relations. Enfin, voilà, ça peut être un moteur. Ou même sur éventuellement un dilemme. Admettons, tu es pourchassé par des brigands, En dehors de ça, il y a autre chose, c'est symboliquement, ça veut dire que être fort, c'est bien, mais ça nécessite et ça te coûte quelque chose. Or, c'est tout le propos du jeu, ça. Et on va y revenir. Comment il est spécifié l'entretien? Exactement comme je viens de te le dire. Je suis en train de regarder. C'est par rapport à la génération. Donc, si tu prends un personnage jeune, entre deux âges. Parce que moi, j'ai des compétences accomplies, j'ai 0 en entretien sur ma fiche. Par rapport à ton âge, effectivement, comme le disait Loïs, et par rapport à des niveaux de compétences élevés. Je crois notamment que c'est à partir du moment où tu es en expert et maître, il me semble qu'il y a un entretien. Tu es obligé d'avoir un entretien par rapport à ça. Je suis en train de vérifier ça sur la base. Moi, j'aime beaucoup le concept de si tu es fort. Ça te coûte de l'énergie, ça te coûte du temps, ça te coûte. J'adore ce truc. Après, c'est personnel. J'aime bien cette thématique. C'est une philosophie très art martiaux, on va dire. Dans le sens où tu deviens pas ceinture noire 7e dan de kendo comme ça, quoi. Ça demande énormément de pratique. Alors, par contre, les gars, on va peut-être pas passer tout le podcast sur l'entretien. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on en parle. Les blessures séparées. Oui. Alors, qu'est-ce que tu trouves Je trouve ça intéressant que quand tu perds des pèves, entre guillemets, ce ne soit pas juste des points de vie que tu récupères directement après sans rien laisser. Je veux dire, le fait de faire des blessures, ça ajoute de la bouteille à ton personnage. Mmh. Et puis, des blessures, ça va... Bon, après, c'est pas forcément pas le côté cas jeu vidéo où tu te régénères, t'as les mêmes, t'as la même gueule, t'as les mêmes pixels. Là, t'as des blessures qui peuvent créer de l'histoire aussi, en fait, parce qu'un personnage blessé, il peut imposer plus le respect ou ce genre de choses. Ouais, bien sûr. Donc, le fait de les traiter individuellement, il y a l'état stabilisé après où la blessure ne, enfin, ça veut dire la blessure ne saigne plus, et après, on récupère petit à petit la fonction de sa main. Ou des Donc choses là. Aloïs, t'as déjà testé ça, le test en jeu ou pas ? Alors non, moi Tenga, je l'ai acheté. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé à la lecture, etc. avec l'objet et sur le plan systémique en le lisant. Mais je l'avais pas testé parce que c'est un jeu auquel je veux jouer, pas maîtriser. D'accord, ok. Autre chose que j'ai bien aimé côté système, avant de rentrer dans la partie, c'est, là en fait on va forcément y rentrer parce qu'on va finir par citer des exemples de la partie, c'est le côté de la confiance entre les personnages. Et là, qu'est-ce qu'il y a Tom ? Vas-y, continue, je veux que je Et là dire, je trouve qu'on arrive, à mon avis, au cœur du jeu. C'est-à-dire que le trip de ce jeu, c'est de faire un groupe, de créer un groupe au départ, avec un contrat social qui est clair, pour finalement le faire progressivement exploser sous la contrainte sociale et sous la contrainte des éléments de chaque personnage. Aloïs. Alors, il y a une chose dont on parlait en préparation de cette... Enfin, à un moment où on s'était arrêté avec Tom, c'est que quand on a créé les personnages, on a tous parlé des privilèges revers, etc., devant les autres. Est-ce que... Enfin, je disais à Tom que c'est peut-être plus intéressant... de les faire à part, séparément du groupe, pour rendre intéressant le côté j'ai confiance en toi, donc je dois te dire un de mes revers. Voilà. Ce qu'il faut savoir qu'avec la confiance, Thomas, à chaque fois qu'on a un point envers un joueur, ce joueur doit donner une chose secrète de Exactement. Son personnage. C'est ça que je trouve admirable. Donc là, Alors moi, je me suis dit que j'ai Thomas. Trouvé ça. Je vois pas l'intérêt de mettre ce système-là. Parce que pour moi, les privilèges, les revers, les ambitions, le karma, ou enfin tout ce que tu peux noter, quelque part, tous les joueurs sont courants. Donc est-ce que logiquement, est-ce qu'un personnage doit se faire tout seul et il doit avoir des choses secrètes sur la fiche ? Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qu'il faut faire. Mais après, je veux pas... Après, ça dépend de si les gens font la différence entre ce que c'est leur personnage et ce que... Voilà, non, mais tous les gens font la différence entre ce qu'est leur personnage et leur joueur. Enfin, je suis pas aussi catégorique. Mais si. Je suis d'accord que c'est vachement bien de faire séparer pour avoir la synesthésie en plus, c'est-à-dire le petit côté. C'est pas une histoire en tant de synesthésie. Que personnage, moi, j'ai trouvé que ce fait d'avoir effectivement confiance au joueur, tu sais des choses sur ce personnage, c'est bien. Effectivement, c'est des choses secrètes. Si tout le monde le sait, je lui dis, t'as pas besoin de me le dire. Je lui dis, tiens, en fait, je suis au courant de tel truc parce qu'on se connaît. Ça peut aider pour le roleplay. Mais si tout le monde le sait, je vois pas l'intérêt de rajouter non, ça. Non, tout le monde le sait pas. Ah, c'est-à-dire que tout le monde le sait pas. Est-ce que tu alors Les joueurs le savent. Tous les joueurs le savent. Mais les personnages ne le savent pas. Est-ce que Alors, je trouve ça pourri. C'est moi qui interprète mal, peut-être, mais une peur de metagaming, peut-être. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire quoi C'est que tout simplement, je ne vois pas l'intérêt de mettre, quand vous avez un point de confiance avec le joueur, vous connaissez un secret du personnage, puisqu'après tout, même si le personnage ne sait pas, le joueur le sait. Enfin, c'est pipoter, c'est enfin dire, ah, ça y est, j'ai une explication pour mon personnage sait le secret de ce perso. Mais en fait, c'est parce qu'en cas de lutte de pouvoir entre les deux, tu vas pouvoir faire jouer le défaut alors que tu connais pour... Le fait que si tu ne connais pas les défauts des personnes, c'est-à-dire, ah, c'est bien, je connais le défaut de tel personnage. Je le sais vraiment. Si c'est vraiment caché, en fin de compte, tu as vraiment ce truc-là qui peut être intéressant. Bah, attends, tu dis ça alors que dans le sens, tous les faits sont connus. Et les... Oui, mais il y a un moment ou un autre, on dit, tiens, t'as tel truc, tu connais le fait d'un gars que tu connaissais déjà. Non. Je trouve que le fait d'avoir dit ça, je dis les mécaniques, je dis, ouais, ça sert à rien. Moi, je trouve que ça sert à rien. C'est une ligne qui sert à que dalle. Si on cache pas de base. Si on cache pas, je trouve que la révélation est pourrie, quoi. Alors, en termes de symbolisme, maintenant, pour toi, tu trouves que ça sert à rien. Encore une fois, on reprend l'exemple de, tu trouves que ça sert à rien, ok. Mais en termes de symbole, je trouve ça fort. Parce que ça signifie que donner sa confiance à quelqu'un, ça signifie aussi donner sa possibilité de faiblesse, sa faiblesse à quelqu'un. Et je trouve que c'est un propos fort du jeu. Ça dit quelque chose de la conception de l'amitié selon Jérôme Larré. C'est-à-dire que, selon lui, être ami avec quelqu'un... Je trouve ça maladroit. C'est... Non, on pourrait faire, ça pourrait être mieux fait. Peut-être, oui, non, peut-être que si on avait caché, c'est-à-dire si les joueurs avaient fait leur personnage chacun de leur côté. Il s'agit juste de. Est-ce que t'aurais trouvé ça bien? Est-ce que t'aurais trouvé ça bien? En fait, quand c'était plus caché, oui. Alors d'accord. Que j'aurais trouvé ça mieux. Il faudra vérifier dans la base, peut-être. Voilà, c'est pour ça que je posais la question. Mais en tout cas, moi, je trouve ça très fort, très beau. Moi, ça m'a choqué effectivement quand on m'a dit ça. Je vois pas l'intérêt. Ouais, moi je le vois l'intérêt. Il est symbolique. C'est comme l'intérêt que je pensais, Fred, je crois qu'il dit ça, qui Thomas. A un principe, c'est quand tu imposes une difficulté, de montrer à tes joueurs que la difficulté est fixe. Oui. Il y a des gens qui disent, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ben là, je reviens dans la même chose en fin de compte. Mmh. Je trouve pas ça, c'est peanuts, c'est pas utile. Mmh. J'ai rien contre la confiance, parce que la confiance a vraiment un but. Nous, on l'a pas utilisé. Ouais. Non, pas encore. Donc, je pense qu'il y a quelque chose. Le fait qu'il y ait la confiance, c'est bien. Ouais. C'est juste le fait de cette histoire de révélation, je trouve ça pas top. Parce que, c'est tout. Hein. Évidemment, ça m'a étonné. Si on fait pas les trucs à part. Jeff. Je dirais pour la confiance aussi, c'est pas forcément. Enfin, pour moi, c'est pas simplement forcément révéler un. Dans le jeu, ce qu'on appelle des revers, tout simplement. Ça peut être aussi par rapport à vos backgrounds personnels, certaines informations de vos backgrounds personnels. Ce n'est pas forcément des défauts systémiques. Oui, on l'a fait, nous, mais c'est vrai que c'est important à préciser. On l'a fait, nous, ça. Ouais. On l'a fait. Moi, oui, mais ça reste important à préciser. Par exemple, moi, il y a un moment donné où Fly avait mis 3 de confiance à mon personnage. Moi, j'avais que 2 secrets. Il y a quelqu'un qui fait du bruit sur son micro. Ouais. J'avais mis que 2 secrets, et donc je ne pouvais pas lui en révéler plus. Et ben, j'ai créé un nouveau fait de background où j'ai dit, en gros, je me suis inspiré de l'histoire qu'il y a dans la base. J'ai dit, bah voilà, un jour, et tu le sais, il y a quelqu'un qui est mort entre mes mains parce que je n'avais pas suffisamment d'argent pour pouvoir le sauver. Bah, ça crée du jeu, ça t'oblige à révéler quelque chose et donc à te créer une sorte de secret honteux. Et bah, moi, je trouve ça très fort et très bon. Et c'était très bon. Après, moi, par exemple, j'ai révélé une valeur à Flavie. J'étais attaché à Vérité 3. Donc, c'est-à-dire que j'ai... Enfin, on avait dit c'est un peu beaucoup passionnément à la folie. Mmh. Moi j'étais passionnément sur la vérité, donc je lui ai dit bah voilà, je suis obsédé par mon désir de vérité parce que bah, mon personnage en avait souffert. C'est pas un défaut marqué en tant que tel, mais ça restait important. Thomas, je lui ai donné un truc de ma vie, c'est que mon personnage il avait déjà quitté un temple par exemple. Le système de confiance aussi, c'est ça qui est, enfin moi je le trouve sympa. C'est effectivement ça crée du jeu comme tu dis, Romaric. Effectivement, je pars aussi du principe par rapport à Tom. Moi, je pense que je fais une campagne de Tenga. Je pense que je prends les joueurs à part pour bien qu'ils cachent leurs trucs et compagnie. Pour éviter justement le côté ce que Thomas signale. J'appelle le metagaming et compagnie. Ouais, ouais, qui est du metagaming. Parce que tu vas avoir le joueur optimisateur. Bah forcément, voilà. Qui va te faire du gros jeu. C'est pour ça que je te disais, pour moi, c'est pas systématique de faire la différence entre les deux. Voilà. Après, je dirais donc, il y a ce côté-là. Mais aussi, il y a quand même, ça se reflète un petit peu sur le système du jeu, donc notamment par rapport au talent du groupe. Effectivement, je ne voulais pas faire utiliser, j'ai pas eu forcément de scène pour l'utiliser. Donc en gros, ce qui va se passer, je vous l'explique, rapport donc le talent étant la compétence phare du groupe, dirons-nous. Nous, on avait pris la discipline. Donc la discipline pour le cas de votre groupe. Effectivement, dans des scènes où vous allez faire appel à cette compétence, la confiance, la valeur la plus faible de confiance présente parmi les joueurs, c'est ce qui va vous donner un bonus directement, en cran. D'accord. C'est en cran carrément et pas en point. Voilà. Un niveau de confiance, c'est un cran. Donc si j'ai 2 points dans avec un perso, j'ai le droit à 2 crans. Ouais. C'est ça. C'est le plus faible du groupe qui va donner le nombre de crans. D'accord. Le plus faible du groupe. Donc faut essayer d'avoir toujours la confiance à peu près égale pour tout le monde, quoi. Éventuellement. Ça c'est pour optimiser. Ouais, non, mais c'est ça. Je veux dire, je reste à voir dans la mécanique. Okay. Mais bon, sachant que c'est sur une compétence, quoi. Donc. Mais c'est bien. C'est moi j'aime bien ce genre de choses. C'est qu'effectivement, ça apparaît légèrement dans le jeu, quoi, dans le système. Ça me fait penser à une. Je sais plus, c'était dans. Je crois que c'était sur Places to Go, People to Be, que j'avais vu. Pour faire un jet de discrétion de groupe, on lance la valeur de celui qui a la valeur la plus faible. Ouais. Moi, ça m'y a fait penser. C'est la règle à Cthulhu, non, Thomas? Parce que moi, j'ai appliqué Cthulhu. Ouais, c'est ce que toi, t'as appliqué. Voilà, quand je demande un jet de chance de groupe, celui qui a le moins de chance. Ouais. Ça me paraît normal, hein. Enfin cohérent en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur le système? Moi, j'ai encore un dernier truc. Juste pour clarifier aussi un truc pour les personnes qui vont nous écouter, c'est le tout simplement le fait aussi que les personnages sont sous la règle aussi, comme le groupe, du karma, de l'ambition et d'une chose qu'il n'y a pas dans le groupe, qui est la révolte. Alors déjà sur les deux points que je vous ai cités, ce qui est assez fondant en tant que maître de jeu, enfin, je sens les dilemmes que ça peut créer sur une table et je trouve ça assez sympa, c'est qu'effectivement il y a un karma de groupe, il y a une ambition de groupe, mais c'est pas forcément la même que celle du joueur. Voilà, c'est ça. Donc forcément ça va faire des conflits, des dilemmes et compagnie. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure quand je disais que la feuille de groupe au début fixe le contrat social, oui, mais en fait tout est fait à côté pour que les joueurs se déchirent entre eux dans le cadre de ce contrat social. Ouais. Bien évidemment. C'est-à-dire que, vraiment, moi j'aime... Ouais. Jeff, tu voulais finir peut-être Puis juste en expliquant qu'est-ce que c'est la révolte finalement. Ouais. Parce que donc, ça, c'est moi j'ai essayé de la jouer dans le scénar. Ouais, je l'ai senti. Le truc aussi, donc, bon, pour la révolte, pour faire simple, donc la révolte n'apparaît pas dans le groupe. Ce n'est pas une caractéristique qu'il y a dans le groupe, qui n'est que pour le personnage. C'est un petit peu sa prise de conscience par rapport au monde de Tenga. Ouais. C'est l'envie de faire bouger les choses. Ah, putain, ce qui va le démarquer un petit peu au niveau de l'ensemble du jeu. Pour le coup, moi, là, du coup, j'estime que pendant la partie, avec toutes mes prises de position, je l'ai vraiment, vraiment joué. Où j'étais à deux doigts de l'insolence avec. Moi, c'était juste pour dire que ça me rappelait Monostatos, en fait. Peut-être une des anciennes versions, je sais pas où ça en est aujourd'hui. La révolte, exactement. Ouais, la révolte. De la révolte. C'était dans, je sais plus quelle. Moi non plus, mais effectivement, ça me fait penser à Monostatos. C'est quelque chose que je trouve intéressant en fait, parce que ça dit pourquoi ton personnage il a décidé de se bouger. En fait. Mais ouais. Sauf que là, la révolte dans Tenga, c'est une révolte de changement de catégorie sociale. Notamment. Ouais. Alors que dans Monostatos, c'est presque au niveau des valeurs, au niveau métaphysique, totalement. C'est plus. Mais ça m'a fait un rappel quand même. D'accord. Ouais. À la première lecture. Donc, mais en tout cas, enfin, je trouve en tout cas que la révolte dans Tenga, elle est plus tangible. Bah, elle est plus humaine en fait. Elle est plus à l'échelle. Voilà. Alors humaine. Que dans Monostatos, on reste à jouer contre des dieux et tout. Oui. Ça ne manque pas de classe. Oui, oui, c'est clair. Soyons clairs. Mais voilà, c'est pas la même. C'est pas la même. Voilà, c'est pas la même révolte. Voilà. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, j'ai bien joué cette révolte. Hein. J'enterre pas le sujet de la révolte. Je trouve ça vraiment excellent aussi. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le côté dépenser des points pour lancer un dé. C'est-à-dire le côté, je choisis en tant que joueur de faire un lancer de dés. C'est-à-dire que le maître de jeu va me dire, là, théoriquement, c'est pas possible, tu peux pas y arriver, sauf si tu vas lancer faire un effort, et auquel cas, j'aime bien toujours ces règles de oui, mais si et seulement si tu fais ci, tu fais ça. Thomas, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je pense qu'il faut être plus précis. C'est qu'en fait, quand on demande de faire un jet de compétence, on regarde la compétence, on dit quelle valeur on a. Un test de compétence. Ouais, c'est un test de compétence. Si on a la valeur adéquate pour réussir, succès automatique. On réussit automatiquement. Si on n'a pas ce truc, là, à ce moment-là, on a une possibilité de dépenser un point qui est soit un point de fatigue, soit un point de ki. Tout à fait. Pour pouvoir tenter un jet sous sa caractéristique. Le MJ définit quelle caractéristique on a. On jette un des 10 et on regarde s'il y a un succès. Voilà. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait une autre possibilité de jeter un dé. Alors c'est peut-être rejeter le dé si on décide de prendre un risque. Alors, c'est le système de risque. Ah oui, c'est augmenter ta réussite en fait. Ah, ça, c'est le dernier truc dont je voulais parler. Non, c'est pas ça. C'est une autre façon de faire. C'est-à-dire que pour X ou Y raison, pas de dépense de ki, pas de dépense de fatigue. Tout simplement parce que pas possible ou ce genre de choses, hein. Trop blessé, enfin voilà. Ouais. Effectivement, là, le joueur peut essayer quand même en faisant ce qu'on appelle donc tenter un risque. Ouais. Et là, le truc m'a beaucoup plu. C'est alors, effectivement, vas-y. Là, le joueur va carrément dire au maître de jeu, bon, je fais l'action quand même, par contre, si je la foire, il va m'arriver ça. Voilà ce qui va se passer. Il choisit lui-même la crasse qu'il va... S'imposer par la suite. Comme l'exemple que tu avais donné, je décide de sauter par-dessus un fossé, mais je prends le risque, si je me craque, je tombe dedans. Sachant que plus les risques qu'il propose à son meneur sont grands, plus il aura le droit meneur, à un bonus. Voilà, augmente son bonus. Voilà, toujours à l'appréciation du meneur. Donc c'est intéressant de surenchérir sur les conséquences négatives pour avoir. Alors, ce qui est assez d'atteindre la réussite. Alors moi, on n'a pas testé ce système. Donc j'en donne un avis extérieur. Je le trouve paradoxal. C'est-à-dire que plus tu te mets en danger, plus tu as de chances de réussir. Alors non, si j'ai bien compris, tu as toujours un jet à faire pour savoir si la réussite se fait ou pas. Oui. La différence, c'est que tu dépenses pas de points pour faire ton jet. Ouais. D'accord. Voilà. Et là, tu passes en binaire, en fait. C'est oui ou non. Si j'ai dommage bien compris, qu'on n'ait pas eu l'occasion de tester alors, ça. Voilà, tu vas me dire, si j'ai bien compris. Logiquement, quand on lance un dé en dépensant un point, on prend une caractéristique, par exemple, j'ai 10 dans ma caractéristique, je jette mon dé 10. Si je fais 10 piles, bon, j'ai une réussite, sur avec mon dé 20, ouais. Si je fais donc le pile, le score, j'ai une réussite qui augmente de 3 crans ma valeur de compétence. Ouais. Ce qui est vraiment le top du top. Si je fais la moitié de la valeur... Entre la moitié et la valeur. Et la valeur, j'ai le droit à 2 crans. Mmh. Et si je fais en dessous de la moitié, j'ai le droit à 1 cran. Voilà. Et si on fait au-dessus, là par contre, c'est dans un échec. Voilà. C'est... Donc, si je dépense, si je fais un risque, en fonction du risque que je prends, c'est le med-meneur qui me dit « Ok, avec le risque, je considère que tu auras un gain de tant de crans. Mmh. » Voilà. C'est ça. Par contre, il faut que je réussisse mon jet. Donc si je me craque mon jet, la qualité de réussite n'est pas importante sur le dé, mais il faut quand même réussir. Donc si tu te craques, tu te craques. D'accord. OK. Donc c'est ça, c'est surenchérir sur les risques, tu as toujours ton dé hein. D'accord. Donc quand on n'a pas de chance au dé, de toute façon, tu n'auras pas à dire je m'empale avec des crocodiles qui me bouffent, t'es niqué. Ah ça on l'a pas testé malheureusement. De l'extérieur, moi, je l'ai pas compris en fait, hein, tout simplement. Quand il a expliqué, c'est vrai qu'il était tard, commençait un peu à. Mais c'est dommage qu'on ne l'ait pas testé. De toute façon, je pense pas que ce soit un truc qui soit si courant que ça finalement, on a le risque. Ouais. Parce que, à mon avis, il doit y avoir. Oh, et t'as jamais joué avec Christophe Buckley. Non, mais il y a des joueurs qui, quand ils peuvent faire des crasses à leur perso, ils le font. De toute façon, c'est bien dit dans la base. Encore une fois, c'est le MJ qui juge. Parce que je sais pas moi, si la personne propose effectivement un truc pas terrible et autre, je pense que tu peux lui dire je te donne rien pour ça, ça passe pas, c'est laisse tomber, ça s'arrête. Moi je pourrais, enfin j'aurais ce point de vue là. Si ça rentre bien dans l'histoire, pourquoi pas. Et là, dans ce cas-là, j'estime ce que ça va être, ça vaut tant. Thomas, je pense que justement, tu vois, laisser l'appréciation au meneur de savoir si le risque est si intéressant ou pas, ça permet aussi de dire aux joueurs, si vous prenez un risque, il faut que le meneur derrière il fasse triper de te voir tomber dans ton ravin et d'en chier. D'ailleurs, peut-être que Jérôme aurait pu dire le meneur et les joueurs autour de la table. Le meneur n'est peut-être pas le seul à décider. Oui, les joueurs, c'est vrai que les joueurs pourraient dire « Oh non, ce que tu fais, c'est pas ça terrible. » Ça dépend des meneurs. Mais moi, je pense meneur. À mon avis, le meneur, il va regarder les joueurs aussi. Oui, ils vont tous se marrer ensemble. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Le côté du risque aussi... Même si c'est pas un jeu très drôle. Non, c'est pas du tout. Loin d'être marrant. Non, c'est pas. Non, je pense que justement, le risque est là justement pour augmenter ce côté tragique, voire dramatique. Alors justement, de ce côté-là, je... Comme ça, hein, intuitivement, encore une fois, on ne l'a pas testé. Mais le problème, c'est que je trouve qu'il va... Là, je le dis à Brand en tant que théoricien. Il sait, comme il aime bien dire, distinguer, c'est retour de joueur, retour d'auteur, retour de concepteur, etc. Il aime bien distinguer. Là, c'est en tant que concepteur, je me pose la question, mais je n'ai pas testé. Donc, encore une fois, c'est est-ce que ça n'aurait pas été plus intéressant, vu le propos du jeu, de sacrifier automatiquement, de dire « je vais réussir, mais dans la bataille, je vais perdre ça ». C'est-à-dire un système à la Polaris de Ben Lehman, où en fait, du coup, je vais réussir automatiquement, ou en tout cas, je vais gagner des trucs, mais de toute façon, en tant que joueur, je vais perdre ça. Plutôt que cette espèce d'aspect du qui tout double, où je vais perdre beaucoup, et c'est le dé finalement qui va décider. Alors que ça aurait été peut-être plus classe, et là je lui demande si c'est plus en accord avec avec le propos de son jeu, est-ce que ça aurait pas été plus classe de dire finalement, je vais perdre ça, mais je vais réussir, tu vois. Par exemple, je vais réussir à frapper mon ennemi, mais il va me déshonorer devant la foule, enfin, mais en me déshonorant devant la foule. Tu peux pas prendre de risque dans une action de défense ou d'attaque. Ah d'accord, très bien. Oui, ça aussi c'est une tendance, c'est que les risques peuvent faire en défense. Bah voilà, encore la preuve qu'il vaut mieux tester un jeu avant d'ouvrir sa gueule. Il précise même, si je me souviens bien, tu n'as pas le droit de prendre de risques dans une action qui est déjà risquée. Ah d'accord. Attaque-défense, attaque-défense, mais je pense qu'il peut avoir d'autres choses, on peut dire que c'est déjà risqué. D'accord. Bon, en tout cas, on ne l'a pas testé, c'est dommage. Mais ça a l'air intéressant. Moi je dirais... Mais le point que tu soulèves, Romaric, est pertinent, je pense. Bon, je sais pas. Est-ce que l'aspect qui tout double va bien autant pour un jeu comme Guts, où justement le but c'est de montrer les muscles et puis de se marrer à prendre des risques et faire le casse-cou, ça colle bien, mais est-ce que pour Tenga, qui est un jeu où vraisemblablement. Je te rejoins sur ce point-là. Je sais pas. Bon, après on parle dans le vide. Hein. Oui, on n'a pas testé. Je dirais le risque, ouais. Utilisation avec parcimonie quand même. Hein. Oui, enfin voilà, on n'a pas ressenti le besoin. Pareil, non plus, pareil moi je sais pas si le parallèle sera malheureux ou pas. Moi ça m'a fait penser un peu à du L5A. Avec le principe des augmentations L5A, le fait de vouloir faire plus, on va dire. Mmh. L5A, tu... C'est le dé ouvert. Voilà, ça c'est le dé ouvert. Mais si tu veux, ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle les augmentations. Tu augmentes toi-même la difficulté de ton jet pour avoir des effets en plus. Le maître de jeu te dit difficulté 15. Mmh. Toi, tu vas dire, bah écoute, une augmentation, c'est plus 5 de difficulté. Mmh. Tu vas dire, bon voilà, moi je vais prendre deux augmentations. Comme ça, je vais tomber à 25. Si je réussis, je réussis encore mieux. D'accord, ok. Ouais, okay. Mais dans The Dragon, il y avait un système similaire qui était, tu avais une valeur de base pour réussir ton jet, et tu pouvais effectivement augmenter ta difficulté de façon à ce que ton adversaire ait la même difficulté en face. Ok. Donc, voilà. Le système de jet de dés d'L5R, c'est le Roll and Keep. Est-ce que vous voulez revenir sur certains aspects de la... des règles, des choses sur lesquelles tu voudrais revenir, Jeff? Non, c'est bon, on a fait le tour un peu. Oui, il y a un aspect que je vous ai pas fait faire, malheureusement. Le moteur de condition. Moteur de condition, oui, et il y a aussi l'aspect des valeurs pour le personnage. Moi, je l'ai joué à fond. Je sais pas comment ça doit se jouer d'une façon mécanique. Mais de toute façon, moi, un jeu dans lequel on me donne des valeurs avec des traits aussi forts que je hais les riches et je dois préserver la vie, je les joue. À partir du moment où c'est sur la fiche, je les joue. Et c'est, enfin, ça, j'ai trouvé ça vraiment génial, quoi. Enfin, et pourquoi il y a des choses spéciales ? Bah, si tu veux, au niveau des valeurs, notamment, tu m'as dit quelle page déjà, Loïs ? 58. 58, merci. Chers auditeurs, si vous suivez, que vous avez une base, ce podcast est interactif. Vous pouvez prenez votre manuel, page 58. Et réciter avec le foie le principe après des valeurs. Après avoir défini le destin de votre personnage, répétez les enfants. J'ai des grandes valeurs, Alors donc oui, effectivement, donc, le système de valeurs donc, qui est juste à côté de la confiance, comme quoi, encore une fois, c'est... Il y a un moteur assez fort, quoi, je trouve, personnellement. Moi, personnellement, je ne l'ai pas forcément super bien compris. Mais entre guillemets, c'est un petit peu comme donc la confiance. Sauf que là, c'est directement attribué, comme le cas d'Aloïs, sur une thématique. Toi, c'était la vérité, notamment. Oui. Donc c'est à vous, c'est directement au joueur de définir un peu son champ de valeur et d'y attribuer des points. D'accord. Et si je me rappelle bien, systémiquement parlant, ça t'offre certaines possibilités, me semble-t-il. Donc, quand tu fais des, si je me rappelle bien, parce que bon, la lecture date un peu, tu peux bénéficier d'un bonus. Je sais pas si c'est en cran, mais peut-être plutôt en points sur ton jet de dés quand ton action concerne une de tes valeurs. Donc les valeurs, nous, on avait religion, vérité, toi, tu avais haine des riches, etc. Ça peut être des objectifs, ça peut être des principes, etc. Ces valeurs, à l'inverse, peuvent te gêner. C'est-à-dire que quand tu veux, par exemple, un samouraï, s'il doit faire une action déshonorable, bah, il va avoir un malus à cause de sa valeur. D'accord. Donc ça reste quelque chose à double tranchant. Il me semble qu'il n'y a pas un nombre de points déterminés à mettre dedans. Tout à fait. C'est par rapport à l'appréciation du joueur, je crois. C'est à l'âge. Les valeurs, si j'ai bien compris, ça permet d'orienter la façon dont on va interpréter son personnage. Oui. Voilà, fait de mettre une valeur, je suis honorable, tu vas être obligé de jouer effectivement dans l'honneur, parce que quand t'es dans le cas inverse, t'as du malus. Bien sûr. Donc voilà, c'est pas mal ça comme système. Hein. Ouais. Bah c'est, moi, C'est pas l'aspect le plus original du jeu de Brown. Oui, on est d'accord. Non, je dis pas le contraire, mais c'est quand même intéressant de le mettre. Mais c'est. Non, mais c'est clair, on n'en parle plus. C'est devenu tellement habitué. Enfin, depuis Hero Wars, en fait, les premiers jeux où il y avait des traits, je crois, c'est Hero Wars. Oh, je sais plus, trop tard. Bref, on n'en parle quasiment plus, mais c'est vrai que c'est présent. Non, c'est présent, vous avez raison faut le dire, hein. De le redire. Moi, je l'ai joué en tout cas. Je trouve surtout ça intéressant parce que c'est quelque chose qui t'accompagne pour réaliser ce qui est important pour ton personnage, mais ça rappelle qu'il a quand même des faiblesses. Et que. Enfin, le message peut être plutôt banal en soi, mais. Les forces et les faiblesses. Enfin, moi, quand je joue à un jeu de rôle, je déteste la séparation entre avantages et désavantages parce que pour moi, les deux, dans l'absolu, ça reste plus ou moins indifférent en fait, parce que ça dépend comment on s'en sert. Et donc là, ça rappelle que dans pas mal de séries ou autres. Tu parles pas plutôt de privilèges et revers là, justement. Non, non, là, je parle bien des valeurs. Des valeurs. Je parle des deux en soi. Oui, oui, voilà. Le fait qu'une valeur peut être aussi bien négative que positive. Voilà, alors que pour privilèges et revers, c'est catégorisé. Dans pas mal de séries, on voit ce qui fait la plus grande force des humains, c'est l'amour qu'ils portent aux autres, mais c'est aussi leur plus grande faiblesse. Ou, tu vois, bien sûr. Ça reste assez bateau, mais je trouve ça quand même intéressant d'avoir quelque chose à double tranchant. Pour terminer, si je puis me permettre, au niveau des valeurs, c'est pas forcément que des valeurs positives non plus, hein. Attention, absolument. Ça peut être des valeurs négatives. Moi, j'ai la haine des riches. De quoi, pardon ? J'ai lu que c'était entre 1 et 4. Ah non, toi, tu parles de la. Pas de la valeur. Oui. Désolé. Non, moi, j'avais, par exemple, tu vois, en valeur, j'avais haine des riches. Ouais, c'est positif ou négatif. C'est négatif ? Ah bah attends, t'as vu Philippe Poutou chez Yves Calvi l'autre jour ? Sur les mots. Attends, regarde Philippe Poutou, tu vois. Pour lui, c'est positif. Dans la référence de Rome. Ah. Mais par contre, si tu vas voir, par exemple, des gens plus modérés, hein, il suffit pas même d'être extrême-gauche, hein, tu prends des socialistes, par exemple, rien que ça, et ben, la haine des riches, c'est naze, quoi. Bah oui, il suffit juste de pas être con pour... Parce que les socialistes, ils sont riches de base, c'est tout. Non, par exemple, moi, pour revenir... Socialistes sur... Pour socialiste. C'est mes parents qui disent ça pour se foutre de la gueule des socialistes. Pour revenir sur les valeurs, ouais, ce qui peut être assez, enfin, comme exemple, j'ai trouvé assez sympa. Donc c'est dans le groupe qui sert de création dans le bouquin de base, tout au long de création de groupe, de création de personnages. Donc effectivement, il y a un personnage qui est jaloux de son frère, par exemple. C'est une de ses valeurs. C'est intéressant. C'est pas voilà. Dès qu'il va chercher à le dépasser, forcément. Et ça vient de toi le 1, 2, 3 à la folie passionnément ou c'est dans le bouquin ? Ah, c'est dans le bouquin. C'est génial. C'est cité comme ça. Ah, ça c'est, tu vois, c'est un petit truc tout simple. Hein. C'est un petit truc tout simple. Le truc à la folie, pas du tout passionnément. Un peu beaucoup passionnément à la folie. Oui. Ouais, ils ont bien génial. Les valeurs. C'est, ça... Oui, mais c'est pareil. Parlant. Je regarde pour les compétences. J'ai trouvé marrant, effectivement, d'enlever les chiffres. Et mettre plutôt des valeurs comme rien, notion, vague notion, accompli. Ouais. Je trouve ça plus parlant que 1, 2, 3, 4, 5. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que. Ça fait moins optimisateur direct. Il est très. Là-dessus, il est bien réglé le jeu. On voit ça, c'est des réglages, tu vois, par exemple. Je sais pas si c'est le bon terme, mais il est bien habillé, quoi. Parce que finalement, ça reste des valeurs chiffrées. Oui, hein. Ça revient mécaniquement, c'est pareil. C'est plus joli. C'est plus joli. Et moi, par exemple, à la folie. Pas du tout beaucoup machin truc. Enfin, j'arrive un pas peu beaucoup passionnément à la folie. On mettrait les mots dans l'ordre. On t'achètera des fleurs et des pâquerettes. Non, mais c'est ce que je suis en train de me dire. Hein. Les pâquerettes, c'est pas trop son mais truc. Mais ça m'a beaucoup aidé. Et que plus ça va, plus on y aura des pâquerettes. Ça m'a beaucoup aidé. Complètement. Pour jouer le jeu. Je suis donc. Alors, est-ce qu'on peut. Perçu, ouais, totalement. Est-ce qu'on peut parler de la partie ? Oui, ce serait peut-être temps. Ouais, effectivement. Alors. Première étape de la partie, c'était une phase, on va dire, assez classique d'attente sous la pluie, de description, de jaugeage un peu des personnages qu'on jouait, de description de nos personnages. C'est là qu'on s'est aperçu, enfin, moi en tout cas, c'est là que je me suis aperçu que Tenga, c'était finalement un jeu dans lequel le système de résolution était quasiment... en fait, c'est comme Sens. Le système de résolution est inapparent. On s'en sert vraiment quand les choses deviennent impossibles, on s'en sert, mais sinon, les gens agissent de façon cohérente. Il est assez transparent, mais je trouve ça génial. C'est vrai qu'on a quand même utilisé plus les compétences que ce qu'on a l'impression. Après, je pense que c'est la façon de jouer de Jeff aussi, qui fait qu'on utilise peu les compétences. Bon, c'est vrai que ça n'a pas. Il n'y a pas eu tant d'occasions que ça sur la partie d'en avoir. Je suis assez d'accord. Et puis, c'est juste une comparaison. C'est un test non aléatoire, comme dirait Philippe Tessier dans Polaris. C'est, t'as ça, ça, on compare et c'est fini. Donc ça va assez vite. Après, sauf si t'y arrives pas et que t'as vraiment envie de le faire, auquel cas, voilà. Donc oui, la mécanique de résolution est transparente. Est transparente, ouais. Ouais. Je suis d'accord. Et ça, je trouve ça, moi, enfin, moi, je sais pas. Moi, j'adore ça dans les jeux. Moi, c'est voilà, c'est une qualité. Pour moi, c'est une qualité dans un jeu. Totalement. Voilà. Bon. Ça augmente la fluidité, Jeff, tout ça. Pareil. Ouais. Oh non, non, moi. Mais je crois que quoi là, mieux que ce qu'a dit Aloïs, hein. Le monde rôliste commence, je trouve, à y avoir une certaine unanimité sur à ce sujet, sur les mécaniques de résolution. Je dis bien, parce qu'après. Ce qui manquait, moi, j'ai trouvé dans les scènes qu'on a jouées. Donc, première scène, cette scène où on est là sous la pluie à attendre, bah, c'est un enjeu, en fait. Moi, je trouvais que, bah, vous voyez, ça restait du roleplay pour se présenter et tout. Une fois la présentation faite, moi, je pense qu'on aurait dû faire une ellipse directement plutôt que d'attendre la fin de la nuit. Alors, par contre, tu nous as fait jouer, du coup, l'arrivée d'un shinobi après. Donc, c'était là, ça redevenait intéressant à nouveau. Mais il y a eu une petite phase de creux. On n'avait pas d'objectif, c'était surtout pas ça. Pas d'objectif. En fait. Ouais. C'était qu'on n'avait pas d'objectif dès le début, autre que il faut qu'on avance. Au village, ouais. Et ça, Thomas l'avait dit dès le départ. Oui, je suis totalement d'accord. Thomas, tu voulais prendre la parole avant. Alors, oui, je me demande si aussi on n'a pas eu cette latence, parce que je pense que Tenga est un jeu où il faut une forte préparation sur l'univers. L'ambiance. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Voilà. Et alors, c'est comme vrai que tu as commencé effectivement à nous décrire, mais tu nous as dit de suite, si je pars à vous décrire vraiment tout l'univers, il y en a pour des heures parce que c'est très complet. Donc, il y a ça aussi, c'est que quelque part, on est un peu jeté dans l'univers, on nous dit, oh, c'est une époque japonaise. Japon un peu médiéval, tu te fais une idée, mais c'est vrai que c'est dur après d'interagir avec tout ce que je veux faire, ce genre de choses. Jeff, est-ce que, parce que j'ai vu dans l'univers, ah pardon, excuse-moi Louis. Moi je vais dire, c'est quelque chose que je défends déjà pour L5R, c'est un jeu qu'on peut vraiment apprécier que quand on connaît le cadre dans lequel on joue. L5R, pour moi, on commence à vraiment s'amuser une fois qu'on connaît les règles d'étiquette, qu'on connaît les clans suffisamment, du point de vue de personnage. Pour L5R, je suis d'accord. Pour y avoir joué pendant très longtemps. Et là, si on sait pas dans quoi on joue, si on sait pas tout ce qui se joue dans le Japon à ce moment-là, et on peut pas en profiter, à mon avis. Mais Tenga, ouais, n'échappe pas à la règle, on va dire. Oui. C'est là pour le coup. C'est la proposition, je pense. Il y a des jeux que tu peux te plaire à explorer. Sans néant, c'est un jeu à explorer aussi. Hein. Enfin, oui, personnellement, j'adore le faire. Il y a un vrai plaisir à découvrir de nouvelles choses. Dans Sans néant, c'est ça. Tu commences, c'est quasiment rien et tu découvres. Voilà. Là, c'est pas le cas. C'est quelque chose où il y a les informations sont déjà très précises. Enfin, bon, il y a des erreurs dans le livre. C'est admis. C'est un parti pris. Enfin, admis sur le forum de Tenga justement. Mais c'est un jeu qui a une identité forte. Et que à côté de laquelle on peut pas passer. Thomas, qu'est-ce que tu veux dire par des erreurs dans le livre? C'est des historiques. Des erreurs de chiffres. D'accord, voilà, c'est ça. Mais le truc, c'est que le but du jeu, c'est justement, c'est de jouer ces intrigues politiques là et ces conflits politiques là. Voilà, il faut savoir ce qu'il y a avant pour pouvoir en. C'est la source d'inspiration principale, c'est Shogun et ça ne parle que de ça. Oui, d'étiquette totalement. Et de conflits politiques au sein de cette équipe. Bah, je dirais que c'est le mode de base, hein, ce qu'on appelle Tenka Fubu, tout simplement, qui était la phrase de Oda Nobunaga. Ça, c'est le postulat de base. Absolument. C'est la première page du jeu. Après, il y a plus d'archétypes possibles de campagne. Hein. Ça, il y en a beaucoup qui sont proposés. Et ça, pour le coup, je trouve ça vraiment très sympa. Ouais. Le fameux coup des courtisanes dans le château, par exemple. Non, mais c'est... Thomas, tu lèves le micro pour... Oui, j'ai lève le micro parce que j'ai quand même feuilleté vite fait la base. J'ai trouvé qu'au niveau des informations, c'était très complet. Il y a énormément de choses pour aider à voir surtout cet univers en main, de voir ce côté politique. Et moi, j'ai une question. Tenga, est-ce que c'est un jeu historique? J'ai non, cette non, impression. Non. Il se veut sur base historique. Voilà. Alors, quand c'est j'ai pas pour autant que tu dois t'y cantonner. Ah non, ouais. Voilà. Et non seulement, mais il veut éviter cet écueil parce qu'il précise dès le début du jeu, ceci n'est pas un jeu d'anthropologie japonaise de cette période et ce n'est pas non plus un jeu historique. Le but est de après t'en as qui jouent comme ça. Pour moi en fait, c'est un jeu simulationniste ou qui encourage le simulationnisme au sens où le but c'est explorer le canon de la vie d'un samouraï. Qu'est-ce que c'est d'être un samouraï? Non. À une certaine période. Pas forcément, attention, faut pas te limiter au samouraï. Pardon, un japonais. Non, excusez-moi, oui, je dis n'importe quoi. Oui, excuse-moi. Qu'est-ce que c'est que d'être un japonais dans cette période? Et d'être un japonais, non, mais il y a quand même un rapport avec la société. C'est-à-dire que c'est pas un japonais, tu peux pas jouer un japonais. C'est du simulationnisme social, qui est juste... en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu peux pas jouer un japonais qui est juste dans son champ à cultiver, son riz. Mais non, parce qu'il doit avoir sa révolte. Parce que, voilà, c'est ça. Il va y avoir une révolte sociale. Donc, il a forcément quelque chose à jouer dans la société. Donc, c'est ça le... Bah, de toute façon, historiquement parlant, je crois que c'est le postulat de Brand. Tout simplement, donc, le Teng. Donc Tenka, si je me rappelle bien. Tenka, ouais. Parce que lui, volontairement, sur le fait que soit le jeu s'appelle Tenga, c'est un choix qu'il a pris directement. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Tenka Fubu. Et lui a trouvé que c'était plus joli que Tenga. C'était plus vivant. Le fait est aussi que les deux lectures existent. Ils sont possibles, hein. C'est pas une faute. Mais bon, on va pas rentrer dans ce débat-là, forcément. C'était peut-être juste pour faire un rapport au sextoy. Bon, sait-on jamais. Donc, toujours est-il, effectivement, c'est une époque troublée. Le Tenga, tout simplement dans le sens où effectivement le jeu commence peu de temps avant la mort ou peu de temps après la mort de ce fameux Oda Nobunaga, ouais, qui commençait déjà à bien unifier le Japon. Le problème, c'est qu'en mourant, bah ça va être un peu la guerre des sous-chefs. Oda Nobunaga. Et sous-chef sous Nobunaga. C'est sous Nobunaga. Il y a le pape et il y a les sous-papes, comme dans les voitures. Allez, les mecs, putain, il est tard. Oui, bref, oui. Toujours est-il, effectivement, le soufflet est en train de retomber. Soufflet, bref. Ouais, ouais. Et du coup, après va arriver l'avènement, donc quelques années plus tard, de Tokugawa. Et de sa dynastie. En tant que shogun. Et là, on va rentrer vraiment dans le délire du samouraï tel qu'on le connaît. Ce que je disais en début de podcast. Avec le Bushido. Effectivement, comme on va être dans une période de paix, une période de calme, va falloir les occuper un petit peu, les guerriers. Tu sais, moi j'ai l'impression, mais est-ce que l'époque a vraiment un sens au niveau du propos du jeu ? Ou est-ce que le but et le choix de cette époque n'est pas juste dicté par sa classe historique. C'est-à-dire que là, on joue encore dans un truc social. On est à un moment donné où la société va basculer. Je suis sûr qu'il y a moyen de hacker Tenga avec une toute autre époque, par exemple pendant la révolution, juste avant la révolution russe du début du XXe siècle. Oh, mais tu vois ce que je veux dire ? C'est fort possible. C'est-à-dire que je suis sûr que c'est un jeu de simulation de révolte sociale. Oui, c'est ça. De bouleversement dans la société. Mais au final, il a choisi cette époque-là pour la classe qu'elle représente et l'aura, la couleur, et puis le côté contraignant aussi des codes japonais. Ça, j'en suis sûr, parce que dans Shogun, si sa source d'inspiration, c'est Shogun, il l'a mis en première page. C'est clairement ce que dénote, c'est ce que dépeint la série. C'est la contrainte de l'étiquette et tout. Tu peux pas péter tranquille, tu vois. T'es toujours épié, toujours surveillé. Le mec, il baise avec sa nana, il ne peut pas, quoi. T'as un mec qui regarde ce qu'il fait et ça va être décrit et ça va avoir des conséquences politiques monstrueuses. Le gars va soulever le petit doigt pendant la... Et ça, je pense que ça joue dans la révolte sociale, justement, que Brand veut montrer. C'est ça. Mais à part ce petit côté-là, est-ce que finalement, l'univers est si important que ça ? Je pense... Enfin... Voilà. Ah, tu vois, l'univers, ma réponse au sens, va être la suivante. Je pense que Brand pourra répondre par lui-même, hein, mais il est fan du Japon médiéval. Oui, voilà. Le truc, c'est qu'il faut dire, ça fait des années que le Japon médiéval, les samouraïs et compagnie, c'est quelque chose qui est quand même bien vu. C'est à la mode, quoi. C'est une mode qui se dépasse pas, finalement, qui retombe pas dans la poussière. Et je pense que voulant faire un jeu sur ce thème-là, il n'y avait pas 36 000 solutions. Je pense que prendre cette période-là est intéressante. C'est un peu le commencement, quelque part. Mais je comprends bien. Je crois que c'est ça, après. Non, c'était pas un troll, ce que je dis. C'était un peu provoquant, peut-être. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que le cœur du jeu, c'est vraiment pas... Il ne faudrait pas acheter Tenga en se disant c'est un jeu sur le Japon médiéval. Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est un jeu sur des gars qui ont un groupe, qui bougent, qui vont avoir des tensions, parcourues de tensions. Il y a plus dans Tenga que l'exploration du Japon médiéval, à mon avis. Je dirais que c'est un jeu sur une période du Japon médiéval. Au niveau de la partie, on reprend la deuxième scène, c'était la scène de pénurie de soins sous le pont, c'est-à-dire qu'on s'était fait déloger par des groupes. Voilà, on a fait une fuite parce qu'on était poursuivi et observé par. On était sur le territoire de l'ennemi en train de dormir lorsqu'on se fait réveiller au troisième tour de garde et qu'on est obligé de fuir parce qu'on va se faire défoncer. Ça, c'est un autre aspect aussi de la partie qui a été très intéressante, c'est qu'on avait un groupe construit de façon finalement assez aléatoire, parce que c'est vraiment au moment où tu nous as lu les handicaps qu'on avait qu'on a réalisé qu'on était un groupe où il n'y avait personne qui savait se battre, en fait. On était deux inaptes au combat. Toi, Loïs, t'étais le samouraï, le vieux guerrier vieillissant. Le guerrier de la montagne, un peu vieux, ouais. C'est voilà, c'est très intéressant, vraiment super. Ça, j'ai trouvé au niveau de l'ambiance, c'était génial. Le côté pénurie, faiblesse, la pluie qui tombe dans ce bois brumeux. Ce que je disais pendant la partie, c'est qu'on est comme dans Berserk, dont on parlait dans le podcast bonus la dernière fois. On signe pour en chier, dès le début. Ouais. Non, mais c'est clair. Et là, on l'a bien senti, le petit côté avec les jets de survie successifs pour essayer de trouver une pauvre plante pour sauver notre ami et tout. Ça, je trouvais ça vraiment. Je dirais c'est un peu no pain, no gain, quoi. Oui, c'est clair. Parce que justement, quand tu crées ton personnage de A à Z, si tu prends un personnage qui est jeune, t'as pas de casserole au cul, par contre, t'as vachement moins de points à répartir. Si tu prends un vieux, t'es obligé d'avoir deux revers. Mais en échange, t'as un peu plus d'XP. D'accord. Ouais. C'est pour ça que peut-être que t'avais cette impression qu'à chaque fois que tu disais une compétence, moi je l'avais. Ouais, d'accord, ok. Parce que moi, c'est vrai que j'avais toujours l'impression que t'avais les compétences que j'avais, mais au final, ton perso était vachement intéressant. Parce que. Il y a pas mal à faire, malgré tout, on se reposait tous sur ce personnage vieillissant et il y avait un côté touchant. C'était vraiment intéressant. L'arrivée aussi du samouraï, du guerrier sur le pont. Kazé, ouais. Était assez intéressante parce que c'était une rencontre. Il y avait un petit côté un peu western. Ouais, c'est vrai. On était en train de parler et il finit la phrase de quelqu'un d'autre. Ouais, c'était. Je vais me permettre un petit truc. Je vais saluer un ami à moi, donc Vincent alias Figuero. J'en étais sûr. C'est pas le personnage, c'est-à-dire qu'il m'a conseillé un livre de Dan Furutani qui s'appelle La trilogie de Matsuyama Kazé. D'accord. Bouquin qui m'a vraiment sidéré, très bien foutu, qui se passe grosso modo dans ces époques-là, et qui décrit énormément le contexte chez les paysans et compagnie. Kazé en est le héros, c'est un Ronin, donc un ancien aristo, mais bien déchu comme il faut, qui est en mission, et... Je sais pas pourquoi j'ai eu l'inspiration de vous le sortir. Faire voir comme quoi c'est vraiment une époque désenchantée, quoi. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Aloïs et toi, Thomas, mais moi j'ai trouvé que le fait de rencontrer un mec qui, comme nous, finalement, en chie seul dans son truc, ça a posé une ambiance et. C'était plutôt bienvenu. En fait. Je trouvais ça vraiment, vraiment sympa. Thomas, toi, la partie n'a pas l'air du tout de t'avoir convaincu. J'ai l'impression que tu t'es. Ça t'a pas. Allez, dis-le, tu t'es fait chier comme un rat mort, dis-le. Non, je me suis pas fait chier comme un rat mort. Moi, j'ai rien à dire sur la partie, parce qu'effectivement, j'ai pas l'impression d'avoir fait grand-chose. Et non, j'ai rien à dire sur la partie. Ouais. T'avais un personnage qui te convenait pas dès le départ. En fait, j'ai envie de dire que la partie a été bouffée dès le départ par cette prémisse, création de personnage raté. Je pense vraiment. Du coup, tu savais pas quelle était ta place dans cette forêt, le mime troubadour comique des villes. C'est vrai que c'était un hors de propos, quoi. Alors que moi, médecin et tout, c'était nickel, quoi. Tu vois. Ah non, voilà. Toi, t'as réussi à accrocher. Moi, il y a quelque chose qui est pas allé. Je sais pas quoi. Donc, effectivement, sur la partie, j'ai pas grand chose à dire. Je peux pas parler de la mécanique, mais c'est tout. Ok, d'accord, ça marche. Et puis la dernière scène, c'était. Enfin, il y a eu d'autres scènes entre temps, mais on a été à la fin dans une ville. La capitale. Voilà, ouais. Enfin, à côté de Miyako. À côté de Miyako. Et donc, on a rencontré quelqu'un qui a bien voulu nous aider. On a dit au revoir à notre samouraï, à ce samouraï qu'on avait rencontré qui avait bien voulu nous guider jusque-là. On a commencé à voir un petit peu aussi comment ça marchait au niveau des interactions sociales. On a fait aussi quelques ellipses dans le temps pour dire tiens, pendant la semaine, là, toi, t'as fait ça. J'ai l'impression que c'était le début d'un bon voyage, que en tout cas, enfin moi, cette première partie me laisse l'idée que ça a l'air d'être un jeu qui a du coffre, qui a du potentiel. À mon avis, ça va clasher très très vite. Je pense que on était même déjà à la fin de ces trois premières scènes, il y avait déjà, à mon avis, des possibilités de tension, notamment avec le personnage de Flavie, parce qu'elle commençait à dire qu'on allait finalement. Qu'elle allait se soumettre celui qui avait massacré notre temple pour éviter d'autres massacres. Allons envisager ça éventuellement. Voilà, alors que moi déjà, j'étais pas d'accord. Moi non plus. Toi non plus. Donc je pense que ça commençait déjà. Et j'ai envie de dire, c'est là que t'as dit, Aloïs, on va s'arrêter sur ce cliffhanger. Oui, moi je dis, ça fait un très bon cliffhanger. Ouais. La partie, pour moi, elle partie, était bien. Enfin, voilà. ça finissait bien. Ça finissait bien parce qu'on sentait que ça allait venir, que les choses allaient. Bon, c'est, évidemment, s'il n'avait pas été 2h du matin, on aurait peut-être pu été un peu plus vivace. Mais voilà, je pense que. Donc, moi, globalement, Tenga, pour l'instant, j'en pense du bien. Moi, ça me fait beaucoup penser à mon propre jeu, en fait. Donc, j'aurais vraiment du mal à dire du mal de ce jeu parce que ça me fait penser à mon jeu. Il y a exactement la même démarche créative. Donc, sauf que moi, j'explore pas le canon du Japon médiéval ou de la révolte sociale, mais... Ton propre folklore, si je peux voilà, mon propre folklore, exactement. Hein. Mais c'est exactement le même genre de jeu, système de résolution simple, etc. J'aurais qu'un seul petit point noir... J'ai pas compris le rôle du meneur dans Tenga. Alors, faut savoir que Jeff est en train de boire et qu'il est en train de se marrer à cause parce que de ce qu'il vient de dire de Rome. Dans le sens, il y a le meneur a des cartouches et des révélations. À l'aide de Bang, en fait, il va relancer l'histoire. Tu vois ce que je veux dire ? Dans Tenga, étant donné que le scénario a été fait sur 4 jets de dés, qu'il y a quelques trucs... C'est pas systématique. Attention, c'est non, mon parti pris pour ce soir. D'accord, ça marche. Okay. Je me suis dit, alors... Mais quel genre... Attends. Ok. Quel genre de révélation le maître de jeu va pouvoir préparer ou va pouvoir faire pour... Alors que tous ces joueurs vont de toute façon créer du jeu. C'est-à-dire que Tenga, c'est un jeu character centers. C'est-à-dire que tout va tourner autour des personnages, c'est clair. Il y a toujours des failles, mais vas-y, Thomas, il te lève la main vigoureusement. Juste dire que le meneur, je ne sais pas s'il a des révélations, tu vas nous dire ça Jeff, en fonction. Moi je pense que le meneur il est là pour faire quoi ? L'adversité aussi bien sur les difficultés pour jouer les méchants comme ça pour oui. Jouer toute la structure féodale, pour politique. Jouer les grands bonhommes, pour... Sans meneur, je pense que c'est très dur. Il faut que tes joueurs pour connaître, carré, pour connaître l'étiquette pour les joueurs qui la connaissent pas, parce que c'est quand même très important. D'accord. Faut donc c'est un guide. Oui, c'est un guide. Il a le même rôle que dans. Et puis bah, l'adversité. Il a le même a rôle que dans. Peut-être pas de révélation, mais il est très important. Ouais. Sauf alors, peut-être. Je dis peut-être si maintenant t'as que des joueurs qui connaissent tout par cœur l'univers, les machins. Peut-être que tu peux te passer des musiques. Non, non. Bah, qu'est-ce que. Mais je crois pas. On peut. Enfin, c'est. Donc, c'est la loi de Chege. On peut pas jouer soit son adversité. Enfin, pour moi, le principe si, de Chege. C'est pas vraiment ça, mais. Mais, enfin, pour moi, c'est. Enfin, je vais plus loin. C'est impossible d'avoir un jeu. Enfin, impossible. J'ai toujours pas trouvé de jeu intéressant sans MJ. Oh là. De jeu qui me plaisent vraiment sans MJ. D'accord. Jeff, j'irais bon, tout dépend ce que vous entendez par révélation directement. Mais je dirais, il y a quand même une grosse révélation. J'espère ne pas répondre hors sujet. C'est tout simplement votre karma. Parce que le karma, effectivement, c'est vous qui choisissez, enfin qui donnez. Voilà, d'accord. Je vois bien mon personnage devenir ça. Oui, qui lui arrive ça. Je vois bien que le groupe, il va devenir comme ça. Ah oui, d'accord. Mais c'est un petit peu le maître de jeu qui fait. Ouais, mais alors, karma. Dans ce cas-là, est-ce que toutes les clés ne sont pas dans les mains du meneur ? Est-ce que c'est pas. C'est compliqué. Hein. Je dirais que c'est plutôt les joueurs font des propositions. Parce que, quel est le rôle du meneur ? Parce que là, tu me dis, oui, c'est lui qui contrôle tout, en fait. Donc j'ai l'impression que là, on revient sur un rôle de meneur un peu trop classique et que du coup. Parce que par exemple, dans Sens, le rôle du meneur, c'est bien précisé qu'il n'est pas là pour faire des coups de pute. Il est là pour que les joueurs se réalisent. C'est un guide qui doit donner les révélations du jeu et faire en sorte que les joueurs se réalisent. Donc en gros, le meneur, il est presque soumis à ses joueurs. C'est-à-dire qu'en fait, il doit faire ce que les joueurs attendent du jeu tant que c'est cohérent avec l'univers du jeu et avec l'histoire de leur personnage actuel. Donc ça veut dire que... Alors que là, le meneur, il peut aller totalement contre la table des joueurs, si je te comprends bien, Jeff. Non, c'est juste que c'est lui qui choisit le lieu et l'endroit. Voilà, mais et surtout, non, mais c'est surtout quand même entre guillemets, le joueur qui choisit ce qui se passe. Je dirais que, enfin, moi, pour le karma. C'est souvent ma façon de maîtriser, moi, de mon côté, mais bon, c'est autre chose. C'est que pour moi, c'est surtout action, réaction, quelque part. Cause et conséquence. Non, d'accord, mais ça, c'est le rôle de tout meneur, en fait. À partir du moment où tu décris le décor et les personnages de ton joueur, tous les meneurs sont dans ce rôle-là. Tenga, clairement, t'es pas forcé d'être contre les joueurs. Je te vois chercher dans la base. À la fin, il y a un paragraphe tout entier sur le rôle du meneur de jeu. J'ai pas eu le temps de le lire. Donc je sais qu'il y a quelque chose, je sais qu'il dit quelque chose, mais je ne sais pas ce qu'il dit, et c'est pour ça, Jeff, je voulais savoir si tu l'avais lu et si s'il y avait... T'as, limite, j'aurais envie de faire une pause dans le podcast là, qu'on regarde les pages là et qu'on reprenne le micro derrière. Parce que ça m'intrigue, parce que si tu me dis que le rôle... On... De quoi ? Qu'est-ce que tu dis, Thomas ? Excuse-moi. Tu veux faire blanc, laisse tourner, on cherche, on reprend et Ouais. D'accord. Ouais, moi j'ai vraiment envie de voir. Alors, exceptionnellement, exceptionnellement, non, il y a un paragraphe sur le rôle du meneur. Exceptionnellement, c'est la première fois que je vais faire ça dans un one shot. On va couper, on va lire ce qu'il dit et on va revenir. À tout de suite. Bon. Donc, on a relu la base, enfin la base, on n'a pas lu l'intégralité de la base, mais en fait, moi je pense que la clé de notre question se trouve à partir des pages 140-141 à peu près. C'est-à-dire tous les passages où il parle de comment on peut faire mourir un personnage et le rôle du meneur en tant que destin. En tant que destin. C'est-à-dire que... Jouer à destin pour changer de vie. Il dit en fait que... Oh my God. Le rôle du meneur, c'est de préparer le destin du personnage. Et il explique en fait les 7... Je ne sais plus combien il y a d'étapes. C'est 6 étapes que le meneur va devoir préparer. Et je les trouve assez fines. Vraiment, ces 6 étapes sont vraiment très intelligentes. Avec l'incident déclencheur, c'est-à-dire le moment où le maître de jeu va mettre des bâtons dans les roues du joueur et lui montrer, tiens, regarde, y a un événement qui fait qu'en gros, ton karma, c'est pas si évident. Tu vas avoir un autre choix qui va se présenter. Le deuxième, c'est justement ces deux choix qui commencent à se présenter comme des alternatives. Donc, le deuxième phase, c'est l'alternative. La troisième phase, donc c'est le moment, l'alternative, c'est le moment où tu hésites entre le bien et puis ton karma, la destinée que tu t'es choisi toi-même et puis l'autre choix qu'on te propose, qui est, je pense, plus tentant, plus... Mais bon, attention, ça peut te faire dévier, etc. Et ça, c'est le meneur qui le prépare. En gros, tu choisis entre ton karma ou ton destin. Le troisième, c'est le bon temps. C'est-à-dire que c'est une période où, en gros, tu as tranché entre les deux alternatives et tu en as choisi une. Et là, dans la période de bon temps, tu évolues, tu choisis, tu es heureux dans l'alternative que tu as choisie. Quatrième période, c'est la fausse victoire. C'est le moment où tu, dans ton... c'est quoi ? C'est quand tu fais ton choix. Tu crois en fait faire une victoire significative dans le choix que tu as fait, mais finalement, tu t'aperçois que la victoire est pas... Finalement, était pas si significatif que ça et qu'en gros, peut-être que t'aurais dû prendre l'autre choix, tu vois ce que je veux dire ? Et donc là, t'as une phase ensuite de désespoir, puis t'as une phase de ce qu'il appelle l'instant de vérité. Je vais peut-être m'arrêter là, j'ai déjà décrit suffisamment. Tu vois, l'idée, c'est le MJ est là pour proposer une alternative aux déterminations que le joueur a choisies pour son propre personnage. Alors, dans la base, il n'y a pas que ça. Il y a quand même une phase qui s'appelle Thomas. Animer la partie. Oui. C'est quand même le rôle du meneur. Oui, voilà. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Mais moi, ce qui m'intéressait, voilà. C'est comment il traite ses personnages. Comment le meneur... Quand j'entends le rôle du meneur, c'est le rôle du meneur en opposition par rapport au rôle des joueurs. Les joueurs, on voit bien quel rôle ils doivent jouer. Ils doivent se révolter contre un statut social. J'ai trouvé, tu veux, dans la partie que j'ai lue, donc qui animait la partie, il te donne un rôle de meneur qui est aussi un rôle de meneur qui est là pour dire... À quel moment il doit mettre les règles en avant pour faire de la résolution, un moment où il doit mettre plutôt les règles en retrait pour que les joueurs soient beaucoup plus libres, et un moment où le meneur doit être là en tant que juge. Il spécifie bien un moment, le meneur est fait pour trancher. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand il y a un choix à faire, que les joueurs n'arrivent pas à se mettre d'accord ou ne peuvent pas du tout agir là-dessus, il est là pour dire « Ok, c'est comme ça qu'on fait et c'est bon, on passe à autre chose. Ouais. » Il est là aussi pour donner un rythme. C'est l'impression de ce que j'ai lu. Je n'étais pas allé jusque-là. Moi, j'étais vraiment juste dans la préparation de meneur de partie. Du coup, toi, en tant que meneur, parce qu'il faut quand même parler du retour, du coup, tu avais préparé un destin pour nos persos déjà. Tu avais commencé à réfléchir. Vu qu'on a quand même créé le groupe en début de séance, Pas forcément. Par contre, j'y avais fixé vos karmas respectifs, au niveau du scénario que j'ai tiré au jet de dés. D'accord, ok. Donc c'était ça aussi quand on parlait de révélations tout à l'heure. Notamment, c'était ça les révélations que moi je voulais faire apparaître, on va dire, par rapport à vos historiques personnels. Aloïs et puis Thomas après. En même temps, moi j'allais dire l'alternative, elle s'est présentée d'elle-même. Ouais, exactement. Enfin, d'elle-même. Non, ouais. Parce que c'est quand même lui qui maîtrisait le personnage, mais c'est vrai que dans ma tête, c'était le personnage de Flavie, donc je me suis dit, bah oui, c'est Flavie qui l'a proposé, mais non, c'est bien c'est le meneur. Exact. Et oui, l'alternative, c'est vrai que est-ce que je me livre à Tokugawa qui vont peut-être m'aider à reconstruire mon temple, etc. Ou est-ce que je résiste pour essayer de le reconstruire par mes propres moyens? Exactement. Etc. Exactement. Elle s'est présentée, on l'a bien vu. Exactement, putain, elle s'est présentée, quoi. Tu te rends compte, c'était peut-être pas volontaire. Voyez, dans cet embryon de partie, on a joué quoi ? On a joué 2 heures. Le jeu était suffisamment fort pour nous emmener jusqu'à là où il voulait. Et alors même que je pense Jeff n'était pas tout à fait conscient de son rôle de meneur. C'est beau quand même. Ah non, mais moi je me suis laissé porter, hein, de toute façon. C'est beau. Hein. Ça... Comme on dit, il y a quelques minutes, il y a une partie que doit faire le meneur. Par contre, vous n'allez pas m'apprendre mon métier. Petite remarque de lecture. Oui, non, c'est ce que je disais à Loïs tout à l'heure. Oui. Effectivement, moi, généralement, dans les tout JDR confondus que j'ai pu lire, les conseils au maître de jeu, généralement, j'esquive. C'est pas entre guillemets. Voilà. Là, il faut qu'on discute là. Mais non, mais par contre, blague à part, il y a un truc que je reproche quand même à la lecture là, maintenant que j'ai lu, juste à la lecture. Je trouve que au survol. Non, là, j'ai un passage que j'ai vraiment bien lu. Oui, mais je me suis bien fait chier là pendant que vous étiez en train de j'ai pas lu la base en entier. Mais je trouve que globalement, on sent que il a pas envie de mettre le maître de jeu et les joueurs dans un carcan. Et que du coup, parfois il dit « Oui, le mieux c'est de faire ça, mais je veux pas vous mettre dans un carcan, alors vous faites ce que vous voulez. » Il est quand même un petit peu dans la logique de la clause de l'indifférence de l'auteur vis-à-vis de ses règles, qu'on a tant de fois condamné sur ce podcast, et où on se dit « Ah putain, c'est dommage, vas-y, assume. » Et moi, là, c'est le concepteur qui parle, d'accord, c'est pas le testeur, là, je laisse tomber le one-shot, je sais que Brand a envie aussi d'avoir mon retour en tant que concepteur, il m'en a parlé. Moi, mon retour en tant que concepteur, c'est de dire « Eh Brand, décomplexe-toi. Hein. » Pose-les sur la table. Putain, assume tes choix. Vas-y, on s'en fout. Personne va te reprocher de nous mettre dans des carcans. En plus, l'explication sur le destin, elle est vachement bien faite. Vraiment, il y a une vraie démarche créative. Donc, il n'y a pas à hésiter. Enfin, moi, je serais assez d'avis de l'imposer, en fait. De dire, bah voilà, votre rôle en tant que meneur, c'est ça. Et oui, vous allez mettre vos joueurs dans un carcan. Et de toute façon, c'est votre rôle parce que vous êtes le destin. Donc, par définition, c'est ce que vous faites. Enfin, moi, c'est le parti pris que j'avais pris dans ce sens. Tu voulais ajouter quelque chose, Jeff ? Non, moi, rebondir un peu là-dessus. Effectivement, encore une fois, est-ce que les maîtres de jeu lisent les conseils ? Moi, non. Mais bon, voilà. Le truc, c'est que, effectivement, les codes, généralement, qu'on peut ressentir en tant que maître de jeu sur un jeu, c'est bien aussi quand ils sont clairs. Ouais. C'est-à-dire que effectivement, si c'est faux, faire du tragique et compagnie. Là, c'est clair. C'est du tragique. C'est ça qui est bien. On a c'est ce que j'aime dans le jeu. On a le nez dedans, là. Là si tu lis le destin, alors il y a une possibilité de le dépasser. C'est-à-dire que la manière dont c'est écrit, on voit que ta chance de dépasser ton destin et de réussir à t'accomplir, de révolutionner ta propre destinée et de te sublimer, on sent qu'elle est minime. Et on sent, et ça c'est malin, c'est-à-dire que cette possibilité est là pour rendre encore plus amer. C'est-à-dire que la tragédie n'existe que si tu avais une possibilité de réussir, mais que c'est mort, quoi, t'as pas réussi. Et cette possibilité, elle existe, t'as une toute petite porte de sortie, mais elle est tellement minime que tu échoues. Il y a vraiment. J'aime bien, moi, le qu'on appelle ça, je sais pas si c'est sous-entendu qui serait le bon terme, mais le fait, par exemple, donc. Encore une fois, ce karma, et moi, pour moi, je trouve que le jeu tourne vraiment autour de ça, karma et ambition. En vérité, ce que veut le personnage et ce que le joueur propose pour son personnage, je trouve que c'est vraiment intéressant. Notamment sur une conférence de presse, la fameuse conférence de presse sur le héros aux Utopiales, si je me trompe pas. C'est pas une conférence de presse, c'était une table ronde. Une table ronde, d'accord, ok. Merci, Aloïs. Effectivement, donc il y avait Stéphane Gallo qui disait à un moment que le joueur choisissait son destin quelque part, la fin de son personnage. Là, je pense que c'est pas tout à fait ça. Là, c'est le joueur fait une proposition au maître de jeu. Et là, je trouve qu'il y a une originalité, moi, déjà sur ce truc-là. C'est-à-dire que souvent, moi, de ce que j'ai vu, en tant que joueur, que bah tu fais ton personnage, mais t'as pas forcément une optique de vers où tu veux l'emmener. Qu'il soit, enfin, généralement, c'est assez flou, quoi. Non, mais je veux être le plus grand duelliste, je veux être le plus grand magicien. Enfin, je résume de façon très classique. Mais là, au moins, il y a déjà une proposition et qui peut être aussi bien positif, encore une fois, que négatif. Mais je trouve dans ce jeu qu'il y a, quelque chose de... Ça décrit le jeu de rôle classique, en fait. Je trouve ce Tenga. C'est-à-dire que quelque part, il y a toujours ce petit jeu de regard entre le meneur et le joueur. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette espèce de... Je sais pas comment dire. Il y a à la fois, moi, en tant que joueur, j'ai besoin de toi, meneur, pour avancer dans ma quête. Mmh. J'ai besoin que tu m'accomplisses. Et en même temps, le meneur qui dit « Oui, mais ce ne sera pas si facile. » Et d'ailleurs, la beauté de ton accomplissement dépend des difficultés que je vais te tendre. Et tu vois, il y a toujours cette espèce d'aller-retour entre le meneur et le joueur. Et donc, Tenga, à mon avis, dit quelque chose de la dimension dans le jeu classique. C'est exactement ce que j'ai voulu faire dans ce sens. Alors, est-ce que je le fais aussi bien, mieux que Tenga? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je pense qu'il y a dans Tenga et dans ce sens deux démarches qui sont assez similaires, et c'est pour ça que ce jeu, je l'apprécie et je le conseille. Aloïs, qu'est-ce que t'en as pensé après cette première partie? Bah, pas moi, uniquement je l'avais la déjà acheté, voilà, oui, bon. D'une part, voilà. Donc, je vais pas dire je vais l'acheter parce que c'est déjà le cas. Ouais. Personnellement, c'est un jeu qui à la lecture m'avait énormément plu, que ce soit dans ses règles. Bon, après l'univers, c'est vrai que faut aimer le Japon déjà. Enfin. Ah bah clairement. Qui est présenté, si t'aimes pas le jeu, si t'es pas très très si t'es juste qu'à moitié emballé par le Japon, c'est pas la peine. Parce que le carcan est vraiment très lourd. D'accord. Dans ce domaine. Bon après c'est, je dis lourd parce qu'il est, c'est voilà, c'est figé, c'est le Japon, c'était oui, comme ça. Tu pars relou quoi. C'est pas lourd, voilà. Au sens de relou quand même. C'est vraiment lourd dans le sens qu'il y a pas mal de choses à assimiler avant de pouvoir se permettre des latitudes. Oui, voilà. Sur le plan systémique, c'est un jeu que j'ai énormément apprécié, que la partie là m'a encore plus convaincu, on va dire. Bon, j'étais déjà plutôt favorable. Même si elle était un peu courte, hein, pour. Oui. Mais voilà, ça reste pour moi un des meilleurs jeux français. Je vais pas dire un des meilleurs jeux de rôle au monde parce que j'y ai pas tous joué, mais de ceux que je connais en France, pour moi, c'est un des must. Avec 1000 marches pour ce qu'on en avait vu sur le plan système la dernière fois. Jeff, bon, pour faire très simple, un petit livre mais un gros jeu. C'est bien dit. Donc, un Thomas, petit livre pour l'homme et un grand jeu pour l'humanité. Toi, c'est ce qui est dommage, c'est que tu serais celui parmi nous qui a l'avis le plus mitigé sur le jeu. Alors non, avis mitigé, non. Moi le jeu, j'en pense beaucoup de bien. Il y a plein de choses que je trouve bien fait. Je suis aussi assez surpris par le contenu parce qu'il y a beaucoup d'informations et comme on disait hors podcast, il n'est pas tombé dans ce revers travers de on va faire du manga. C'est pas du tout son objectif. Ça soit dans les illustrations déjà quoi. Voilà, dans les illustrations, dans les choix, dire on n'est pas là pour faire du manga. On parle du Japon mais pas de manga du tout. Donc ça c'est pas mal. Après, moi je serais incapable de maîtriser ça parce que il faut une connaissance que j'ai pas du tout. C'est beaucoup, beaucoup trop d'informations à assimiler. En tant que joueur, je pourrais peut-être me plaire, mais avec une préparation beaucoup plus grosse, histoire que j'ai un personnage qui rentre bien dans le domaine. Parce que là, j'étais trop perdu, j'ai fait un peu le personnage à la va-vite. Il y a peut-être aussi le fait que comme tu étais en one-shot, tu as pris ça un peu à la légère et ça t'a coûté, en fait. Au final, peut-être, en campagne, c'est possible. Ouais. Voilà, en campagne, t'aurais peut-être. Mais en campagne, j'aurais pris plus de temps de préparation. Je pense que c'est un jeu dans lequel il faut s'attacher à son personnage pour que ça marche. Et d'ailleurs. Ah, mais c'est obligatoire. Dernier. Je vais pas dire le contraire. Thomas. Il y a, on a dit combien? 2 heures, 3 heures de préparation. Ouais. T'es obligé de t'attacher à ton perso. Ouais. Il y a ça aussi qui effectivement, moi, en plus, va peut-être bloquer. J'ai de plus en plus de mal à passer des heures et des heures à créer un personnage. Maintenant, je suis dans le cadre du rôliste frustré qui ne peut pas faire de campagne. Donc peut-être que je reprendrai la campagne, je reprendrai du plaisir à mettre des heures sur un perso. Ouais. D'accord. Mais non, le jeu est bien. Hein. Justement, tu me donnes encore. Je suis désolé, le podcast traîne à fond, mais il y a plein de choses à dire. C'est pas pour autant que c'est inintéressant. Il y a pas de compétences sociales dans Tengah. Il y a aucune compétence sociale. Compétences sociales. Non, je vous arrête. Il y a influence, aplomb. Étiquette, aplomb. C'est des compétences sociales. Hein. La calligraphie aussi, ouais. Fondamentalement, ça a une propriété sociale. Parce que j'ai lu dans le jeu, en fait, tout à l'heure, en parcourant, j'ai lu dans le jeu que Jérôme disait qu'il n'avait pas mis de compétences sociales dans le jeu, de manière à ce que ce soit le joueur lui-même. De caractéristiques sociales, peut-être. Ah, de caractéristiques. Parce que tu vois, t'as rigueur, vivacité, agité, perception, t'as l'esprit qui pourrait s'en rapprocher encore, c'est plus l'intelligence, mais des compétences, il y en a. Ouais. Je dirais. Ça, c'est quelque chose aussi que. Il y aurait à dire. Ça peut être critiquable aussi. Ouais, enfin, en tout cas, c'est un jeu qui est pas inintéressant. Vraiment. Ouais, c'est mieux que ça. Peut-être sur le coup des révélations, éventuellement, le coup des trois tirages de dés, peut-être. Vous voulez savoir quel impact ça avait sur le scénario en lui-même par rapport à. Oh, tu nous l'as dit déjà. Par rapport à la rivière et tout ça. Vous avez dit ce que c'était exactement. C'était détruire preuve. Je ne sais pas quelle preuve on devait détruire, hein, personnellement. Ah oui, d'accord. Parce que toi, tu avais préparé du tout quelque chose. Donc voilà, moi, si vous voulez, donc, quand j'ai fait, pendant que vous étiez en train d'argumenter pour créer votre groupe, donc, moi, je vous ai fait faire ces jets de dés-là. Donc j'ai eu ces trois clés-là, on va dire. Et à partir de là, moi, ce que je me suis dit, c'est votre temple a été attaqué, ouais. Sans forcément de grandes raisons. Il fallait détruire nos fringues, en fait, c'est ça? Non, pas véritablement. Comme je me suis dit, il fallait que ce soit simplement un épisode ce soir, un morceau de scénar, quoi, quelque part. Donc, dans les alentours de Miyako, à la fin du scénar, bon, on a arrêté plus tôt que prévu, mais en gros, vous deviez rencontrer un survivant comme vous, ouais. Qui était en vérité un des belligérants qui attaquait le temple. Ouais, je m'en doutais. Et lui, justement, avait quand même une bonne part de vérité sur ce qui s'était passé dans le temple. D'accord. Sachant que lui, les shinobi qui vous ont attaqué, c'était pas simplement pour vous, ni pour la Miko. D'accord. En gros, il pistait ce mec-là. Donc détruire la preuve, c'était lui. Ouais, tout simplement. Ouais. Okay. Ok, d'accord. Bon, bah, en tout cas, on détruira pas Tengah, pas ce soir. Hein, on ne détruira pas la preuve. On vous laisse, chers auditeurs, on vous laisse vous reposer, parce qu'après 2 heures de podcast... vous en avez besoin comme nous, on est crevés, on n'en peut plus. Un peu, ouais. On va s'arrêter là. En tout cas, la Tengah, je vous invite vraiment à le tester, voir ce que vous en pensez, vous. Je serais notamment curieux de voir des gens, des spécialistes de game design comme Frédéric et Fabien, tester le jeu, essayer de le tester pour voir ce qu'ils en pensent, eux. Nous, c'est vrai qu'à la cellule, on a tendance à être plutôt... côté, on va dire, on apprécie aussi le jeu de rôle classique. Donc du coup, là, c'est un jeu de rôle classique. Moi, en tout cas, ça me parle complètement. Ça, c'est totalement mon truc. Moi, c'est mon avis. Ça vient de moi, tu vois ce que je veux dire. On aime bien le jeu de rôle classique dans sa structure, maître du jeu, etc. Mais qui a ses originalités, qui a un début de dialogue. Et puis là, je trouve que les mécaniques ont un sens et ils soutiennent le discours. Et c'est suffisamment rare dans un jeu de rôle francophone pour le souligner. Ça apporte des réflexions aussi. Oui, voilà, c'est ça. Donc, moi, je trouve ça intéressant. À suivre. Merci, chers auditeurs, de votre fidélité. À bientôt pour un prochain podcast. Merci. Salut. Salut. Jouez bien. C'est ça qui compte. Râlez-moi, jouez plus. Râlez-moi, jouez plus. Là, on peut le dire. C'est du John Doe. Oui.